Chérie ? Oui, chérie. Tu as mesuré le taux d'ozone ce matin ? Oui, chérie, nous avons encore perdu quelques microgrammes. Quelques microgrammes, mais c'est un drame. Chérie, je crois qu'il est temps qu'on parte. Oui, tu as raison. On s'en va. Partons, fuyons à toute vitesse. Oui, chérie, mais où aller ? Quelque part dans l'espace. Mais où ? J'en sais trop rien, je le confesse. Ah, bien sûr, il y a une planète dont il parlait mardi dernier au rendez-vous du CNES. On ira. Mais avant de partir, je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Et je me souviens des marées hautes du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a un an, il y a un siècle, une éternité. Et plein de nostalgie, hein, Mehdi, ce soir. Excuse-moi, avec quoi est-ce que tu as fait rimer le mot CNES ? D'accord, on est d'accord. Oui. Ok, parfait. Avec confesse. D'accord. Alors, ça fait 20 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Ça fait 20 ans, depuis le premier rapport du GIEC. Les températures moyennes à la surface de la Terre sont en hausse, on le sait. Ça entraîne un changement climatique global avec des conséquences potentiellement énormes sur la désertification, l'agriculture, l'économie, les mouvements de population, les catastrophes climatiques et puis au global la survie des espèces vivantes à la surface de la Terre. Et face à ça, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment resté inactif, quoique, mais enfin quand même, tout récemment, dans le cadre de la COP21, a été signé l'accord de Paris, important, puisqu'il contient un engagement à limiter l'élévation des températures à plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, engagement important. Mais les scientifiques disent, on ne va pas s'arrêter là, on a besoin d'en savoir plus, besoin de connaissances. Où est-ce que ces gaz à effet de serre sont produits, en quelle quantité, avec quelle origine? On a aussi besoin de contrôler les engagements qui ont été pris. Et pour tout cela, eh bien, le spatial peut aider. Le spatial, c'est ce balcon au-dessus de la Terre qui permet d'avoir une vision très large. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. L'une de ces questions, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2009, c'est-à-dire il y a seulement 8 ans, pour voir le premier satellite dédié à l'étude des gaz à effet de serre être lancé ? On peut se demander aussi quelles sont les ambitions qui sont nourries par les missions spatiales dédiées à cette observation. Et puis, il y a vraiment une petite efflorescence, là, en ce moment, de nouvelles missions dédiées à cette observation. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que, finalement, tant de choses se passent ? On va discuter de tout ça avec vous. Je vais venir vers vous, je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Carole Deniel et Philippe Siet. Bonsoir à tous les deux. Est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes, Carole Deniel ? Bonjour à tous. Alors, pendant que Philippe mange, je vais me présenter. moi, je travaille au CNES, donc à l'Agence spatiale française. Et je suis en charge des programmes scientifiques pour l'étude de l'atmosphère de la Terre. Et en particulier, pour ce soir, en particulier sur les satellites qui vont nous permettre de mieux comprendre et mieux observer les gaz à effet de serre, justement, mis en cause dans le cadre du changement climatique. Donc vous êtes CNES en charge justement de ce programme de composition de l'atmosphère, gaz, qualité de l'air, couche d'ozone, gaz à effet de serre, ça c'est vous. Ça, c'est vous, c'est vous au CNES. Et donc, avec vous, on va bien sûr parler de la composante spatiale dans le domaine de cette étude. Et puis, Philippe Siet, à votre côté. Bonsoir. Je m'appelle Philippe Siet et je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui se trouve à peu près à 20 km de distance dans le sud de Paris, à Gif-sur-Yvette. et j'étudie ce qu'on appelle le cycle du carbone, c'est-à-dire en fait l'ensemble des mécanismes naturels et puis aussi liés aux activités humaines qui conduisent à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Alors, on travaille aussi avec les satellites, mais pour ma part, j'ai beaucoup travaillé à essayer d'élaborer en fait des mesures depuis le sol. C'est un peu comme les téléphones, on peut passer par satellite ou on peut utiliser les réseaux sol. Et en Europe, on a un réseau sol qui s'appelle ICOS, qui mesure les gaz à effet de serre sur plusieurs stations, qui nous permet d'en savoir plus sur les bilans à l'échelle des régions. Alors c'est vous qui avez coordonné le chapitre du rapport du GIEC. Hein. Vous savez, le GIEC, c'est cet organisme qui regroupe des milliers de chercheurs à travers le monde et qui essaye de faire des bilans et de faire des prévisions dans le domaine du changement climatique, avec un rapport tous les 5 ans. Et c'est vous qui avez coordonné un chapitre sur le cycle du CO2, justement, au sein de ce rapport. Et je crois avoir lu aussi que vous êtes le scientifique français le plus cité sur le changement climatique, Philippe Siège. Oui, bon, c'est vrai, mais après tout, c'est notre boulot de faire des publications, donc si on en fait, c'est normal. Hein. Ok, parfait. Alors, peut-être qu'on va commencer avec vous, Philippe Siet. Oui, je vais vous interrompre, vous inquiétez pas. Et quand même, vous nous avez dit qu'il y avait toute une batterie de capteurs au sol, justement, pour observer les évolutions de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais est-ce qu'on a besoin d'espace, quand même? Ouais, on a besoin d'espace parce que les capteurs au sol, on peut les placer que dans certains pays, dans certaines régions. C'est pas sans surprise que c'est principalement aux États-Unis, en Europe de l'Ouest et puis maintenant en Asie, en Chine, qu'on a des réseaux de stations au sol. Malheureusement, il y a des tas d'endroits qui sont inaccessibles hein, et qui malheureusement sont très importants pour le carbone, l'Amazonie, la Sibérie. Et là, on n'a pas l'infrastructure qui nous permet de construire des observatoires sur le terrain. C'est trop vaste, il n'y a pas d'accès. Et c'est pour ça que les satellites complètent en fait, les réseaux sol. Hein. Alors l'Amazonie, je crois comprendre pourquoi. Parce que d'une part, avec la pousse des arbres, sauf que elle est... Bon, je ne sais pas si la... Enfin voilà, c'est une forêt qui est mature en même temps. Donc bon, bah, imaginons que la pousse des arbres capte quand même du gaz carbonique. Donc elle retire cette pousse des arbres du gaz carbonique à l'atmosphère. Donc c'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Hein. Ça, c'est favorable... Enfin, comment dire? C'est bon pour nous, si je puis dire. Ça empêche le changement climatique, ou en tout cas le réchauffement climatique. Et puis la déforestation aussi en Amazonie, hein, qui, c'est l'effet inverse. Mais alors la Sibérie, là, je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'avoir des capteurs en Sibérie. Si on regarde la Sibérie, c'est la plus grande masse continentale sur Terre. Et en fait, il n'y a juste personne qui vit là-bas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Si vous voulez déployer des capteurs, il faut au moins, par exemple, de l'électricité ou de la puissance. Et on ne peut pas faire ça dans ces régions, je dirais, aussi reculées du globe. Et une région qui est particulièrement importante pour les gaz à effet de serre, le CO2, mais aussi le méthane, c'est les régions arctiques. Ces régions où il se passe des choses parce qu'elles se réchauffent plus vite que la moyenne de la planète. Et aller faire des mesures dans l'Arctique toute l'année, c'est quelque chose qui est très difficile. Et là aussi, satellites comme le satellite Merlin, là, vous avez la photo là. En couverture de notre petit livret, oui. On espère que ça va nous apprendre des choses sur les bilans de gaz à effet de serre, justement sur ces régions mal connues, les régions autour du pôle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un satellite comme Merlin, Carole Deniel? Donc on le voit là en couverture de notre petit livret, vous pouvez vous y reporter, hein, donc en page 1. C'est Merlin, c'est un petit Français hein, qui va être lancé en 2021. C'est un petit Français, mais quand même avec des gènes allemands aussi. Hein. En fait, c'est une coopération avec l'Allemagne. Et c'est né suite à la COP qui était au Danemark en 2009, où en fait la France et l'Allemagne ont décidé de faire une initiative pour le changement climatique au niveau gouvernement, au niveau de nos chefs d'État. Et donc on a vite identifié au niveau des agences ce projet, parce qu'en fait, alors on mesure déjà le méthane depuis l'espace, mais cette mission a la particularité d'être active, c'est-à-dire elle va envoyer un laser vers l'atmosphère. Alors on voit le laser là, hein, voilà, sur l'image. Le petit rayon rouge. Et en fait, on va récupérer ce rayonnement laser auprès du satellite. Et en fait, ça veut dire qu'il rebondit ce rayon. Il rebondit sur la surface terrestre, ouais. Et il aura traversé deux fois l'atmosphère. Et en fait, en recueillant le signal, on va pouvoir mesurer quelle est la teneur en CH4 dans l'atmosphère, partout sur le globe. CH4, c'est le méthane, qui est un gaz à effet de serre. Comme exactement, le deuxième après le CO2. Carbone, ouais. Et en fait, cette technique est tout à fait innovante. Déjà, on ne l'a jamais fait depuis l'espace. Et elle permet de s'affranchir en fait, de toutes les autres signaux perturbateurs comme les aérosols, les nuages. On ne l'a jamais fait depuis l'espace. Avoir un lidar comme ça, c'est-à-dire un laser, pour étudier les gaz à effet de serre, depuis l'espace, ça n'a jamais été fait. Non, on l'a pour mesurer les aérosols avec la NASA. Les aérosols, c'est quoi ? C'est les petites poussières ? C'est les particules en suspension dans l'atmosphère. Oui, c'est les particules en suspension, oui. Mais pour les gaz, et pour le méthane en particulier, c'est une première, et ça a de nombreux avantages. Parce qu'en fait, le signal émis, on le maîtrise, alors que quand on utilise une technique dite passive, on utilise le rayonnement solaire qui est réfléchi par la Terre vers le satellite pour pouvoir en déduire la composition atmosphérique. Et cette technique où c'est nous qui initions le signal d'entrée, en fait, qu'on va émettre vers la Terre, change tout en fait en termes de précision de la mesure. Expliquez-moi d'un mot comment ça marche là. Il est très beau, j'aime bien cette image, elle est jolie comme tout. Donc on a un rayon laser qui part vers la Terre, qui va rebondir. Donc vous m'avez dit que ce rayon laser va effectivement traverser deux fois l'atmosphère. Et moi, c'est l'atmosphère qui m'intéresse. J'ai envie de connaître sa teneur, sa concentration en gaz à effet de serre. Et alors, comment est-ce que je vois la teneur, la concentration en gaz à effet de serre dans la lumière d'un rayon laser ? Alors en fait, ce laser, il a été choisi sur une longueur d'onde bien précise, c'est-à-dire il est très précis en termes de longueur d'onde. Et il a été choisi pour interagir uniquement avec la molécule de méthane, qui est une molécule particulière par rapport aux autres molécules présentes dans l'atmosphère. Et donc cette interaction, elle va se faire au moment où le laser traverse une première fois l'atmosphère vers le bas, puis une deuxième fois vers le haut. Et cette interaction, on est capable de la détecter dans le signal qu'on va recevoir. Et donc, en comparant avec le signal qui a été émis, on est capable d'en déduire la concentration de méthane sur l'ensemble des points du globe, puisque le satellite va couvrir l'ensemble du globe. Et vous savez ce qui a été modifié dans cette onde lumineuse ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est la longueur d'onde ? C'est l'absorption du rayonnement par les molécules qu'il va rencontrer. Et ce rayonnement, il a été choisi justement pour interagir uniquement avec le méthane. Donc il va traverser de façon transparente les autres molécules. En revanche, quand il va rencontrer une molécule de méthane, à chaque fois, il va y avoir un petit signal qui va être absorbé dans les deux sens. Et donc c'est cette absorption qu'on va mesurer et à partir de laquelle on va pouvoir en déduire le contenu de concentration de méthane. Et cette onde lumineuse, elle a été modifiée de quelle façon ? Est-ce que c'est la quantité de photons, je ne sais pas quoi ? C'est l'interaction en fait entre la lumière et la molécule. D'accord. Qui va perturber un peu la molécule et cette perturbation de la molécule va absorber un petit peu de l'énergie émise. Alors on voit sur l'image, sur le satellite lui-même, on voit une espèce de petite Terre. Hein, je ne sais pas si vous la voyez en dessous. C'est une sorte de télescope qui est là et qui va récupérer, c'est lui qui va récupérer le laser hein, lorsqu'il Exactement. A été réfléchi au sol. C'est ça. D'accord, parfait. Alors Merlin, ça va être une belle réalisation, Philippe Sierre ? Merlin, c'est surtout une première parce que c'est la première fois qu'on aura vraiment, on va essayer de tester cette technologie laser pour mesurer les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, on attend quoi par rapport aux instruments existants ? Comme les lasers n'ont pas besoin finalement de la lumière du soleil pour voir l'atmosphère, c'est eux qui envoient leur propre lumière. Et donc, on pourra voir des coins de Terre où les autres types de satellites sont relativement aveugles. Par exemple, en hiver, dans les hautes latitudes, il n'y a pas assez de soleil pour utiliser les rayons du soleil et regarder l'absorption de l'atmosphère par un satellite. Et donc, on espère apprendre des choses grâce à Merlin, justement sur ces régions arctiques qui sont importantes, mais aussi affiner notre connaissance des flux de méthane sur les régions fortement peuplées, industrialisées, on a aussi beaucoup d'émissions différentes qui se mélangent. C'est pour ça qu'avoir la précision du laser, c'est quelque chose qui est important. Parce que ce que vous cherchez à savoir, c'est ce qui se passe à chaque endroit de la Terre, hein, dans le domaine du méthane, en l'occurrence pour Merlin. Qu'est-ce qui est absorbé, qu'est-ce qui est émis, hein, pour essayer d'avoir une vision extrêmement précise finalement. Bien souvent, quand on regarde les choses depuis l'espace, on se dit on va avoir une vision globale de la Terre. En fait, là, c'est quelque chose de très précis. On aura quelle précision au sol ? Vous avez une idée ? Alors, le laser, quand il arrive au sol, il fait à peu près... Alors, le satellite est environ à 400 et quelques kilomètres d'altitude, je ne sais plus exactement, ou 500 et quelques. J'ai lu 500, et quelques. Ouais. C'est assez bas pour un satellite orbite basse. Il est un peu plus haut que la station spatiale, mais il est un peu plus bas que... parce qu'on l'a mis le plus bas possible. Parce que plus il est bas, plus le rayon laser est performant. Donc on l'a mis le plus bas possible, mais bon, pas trop bas non plus pour qu'il interagisse avec les premières molécules. Donc il faut vraiment qu'il soit dans le vide. Donc il est autour de 500 km d'altitude et effectivement, la tâche, quand elle arrive au sol, elle fait à peu près 500 mètres. Effectivement, c'est invisible, hein. Ah oui, c'est inoffensif pour c'est inoffensif, même si on regarde. Parce que là, on voit un rayon rouge, mais ce serait invisible à l'œil nu, hein, d'accord. Et en fait, donc on va balayer comme ça toute la Terre et on va probablement intégrer parce que les nuages vont nous gêner pour descendre jusqu'en bas. On traverse pas le nuage. En tout cas, on sera trop perturbé par les nuages. Donc, il faudra probablement intégrer le long de la trajectoire du satellite pour avoir des éléments suffisamment précis. Bon, voilà, on a lancé le sujet simplement. Vous avez bien compris, le climatologue, on a la spécialiste du spatial. Et puis, je viens jusqu'à vous. Et puis, on a plein de questions à se poser, monsieur. Bonjour. Pour cette technique ou d'autres par satellite, comment on tient compte du taux de réflexion du sol, parce que ça se réfléchit sur le sol en l'occurrence, ou même on observe la lumière dans d'autres techniques, il faut avoir des informations précises, je suppose, sur le comportement du sol, par rapport à la lumière. Tout cela est caractérisé, en fait. On a des caractéristiques suivant qu'on est au-dessus des forêts sombres, au-dessus des déserts, par exemple, très très lumineux, ou des glaces, ou de la mer. Donc tout ça est caractérisé au sol, et en fonction des longueurs d'onde qu'on observe, on est capable de modéliser il y a la mesure, mais il y a aussi beaucoup les modèles et les données au sol qui sont faites en laboratoire qui nous aident à interpréter les signaux. Donc effectivement, on a une caractérisation des surfaces planes, des surfaces brillantes ou sombres que va observer le satellite. On a ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain qui sont utilisés, qui caractérisent en fait la surface qu'on va atteindre avec le laser. Ah, je voudrais savoir quelle est la puissance d'émission du laser. Alors là, j'ai pas appris les chiffres par cœur. Vous pouvez aller sur le site du CNES, il y a les caractéristiques techniques du laser. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un microsatellite qui va embarquer le laser. Il a quelle taille, ce satellite ? Alors, ce microsatellite, c'est une taille d'une grosse machine à laver. Et donc, on est quand même limité. On a dû limiter la puissance de l'instrument laser pour pouvoir être compatible du microsatellite. Évidemment, plus on avait un laser puissant, mieux c'était. Mais plus il fallait... Mieux c'était pour quoi ? Pour pouvoir une meilleure précision, okay. Effectivement. Plus le laser est puissant, plus mieux c'est. J'ai des chiffres en tête, mais je ne pourrais pas vous les dire, parce que je risque de vous dire des bêtises. C'est sur le site du CNES. Voilà, c'est un satellite qui fera environ 400 kilos. Donc c'est un microsatellite évolué, hein, c'est pas les microsatellites classiques du CNES qui faisaient 200 kilos, mais ceci dit, même s'il est évolué, la puissance disponible à bord du satellite qui est liée au panneau solaire en fait est quand même assez limitée, donc il faut quand même à chaque fois pouvoir équilibrer l'instrument par rapport au satellite qui va embarquer l'instrument. Bonsoir. La station spatiale, en fait, elle a aussi souvent entre 400 et 600, elle a souvent besoin d'être remontée. Ça passera comment, en fait, avec votre satellite, vu qu'il risque d'avoir encore les effets de l'atmosphère résiduelle, non ? Non, normalement, à cette attitude-là, il n'est pas gêné par la... Alors, il y a des corrections d'orbite, effectivement, qui sont faites un petit peu avec l'hydrazine qui est à bord. Mais a priori, l'altitude est calculée justement pour pas qu'il y ait de dérive. La dérive, elle se fera en fin de vie du satellite, où là, on désorbitera le satellite et effectivement, il traversera l'atmosphère pour aller se consumer. Mais l'altitude est faite pour... et puis, le satellite sera protégé par rapport à l'oxygène atomique, par exemple, pour pas être perturbé par les éventuelles molécules d'oxygène atomique qu'il pourrait rencontrer. Mais bon, a priori, l'orbite est stable. L'orbite est stable, mais on a quand même des petits moteurs qui permettent de rétablir l'attitude, ouais. Etc. Des petits moteurs. Le contrôle d'attitude, c'est assez classique sur les satellites, c'est des contrôles d'attitude pour que le satellite soit toujours dans la bonne position et sur la bonne orbite. Contrôle d'attitude, pas d'altitude, attitude. L'attitude, c'est-à-dire le positionnement, la manière dont je me place par rapport à la Terre. Oui, je me posais aussi des questions sur le fonctionnement de cette détection, parce que ce que vous recevez, vous avez dit qu'il y a une interaction, mais en fait, c'est une absorption. Donc il y a une baisse, s'il y a du CH4, il y a une baisse du signal reçu par rapport à ce qu'on attendrait. Mais il est difficile de se rendre compte si c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut, justement, des variations d'albédo du sol ou de tout ça, ou quelque chose d'autre qui absorbe, et pas forcément seulement ce qui est spécifique du gaz. Est-ce qu'il y a un deuxième laser d'une autre longueur d'onde, par exemple, qui sert de référence ou quelque chose alors, comme ça? Voilà. En fait, il y a deux lasers. Il y a un laser... En fait, la molécule de méthane en laboratoire, on sait la modéliser. On sait quel est son comportement en fonction de la pression et de la température dans laquelle elle se situe. Et donc, on sait modéliser le signal de la molécule de méthane en fonction de sa pression et de sa température. On a choisi le laser sur une longueur d'onde tout à fait spécifique qui nous permet d'avoir une toute petite variation comme ça du signal. Et on a placé en fait deux lasers. Enfin, on a un laser, mais qui va travailler sur deux longueurs d'onde. Une où en fait on a le laser qui va être là et l'autre où le laser va être là. Alors on ne vous voit pas de loin, donc il vaut mieux expliquer avec des mots. Il y a une petite pente, une petite pente sur le signal. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le laser on et le laser off. Et en fait, c'est la différence entre le signal reçu sur ces deux longueurs d'onde de laser qui sont très très proches en fait, qui vont nous donner le contenu en méthane. C'est comme ça qu'on va en détecter le CH4 précisément, justement en s'affranchissant des autres termes qui pourraient venir corriger le signal. Bien joué Michel, bien joué. Le deuxième sert de référence par rapport au premier. Voilà. Et est-ce que vous avez uniquement fait ça pour le méthane, ou est-ce que vous avez envisagé, ou d'autres projets, tout au moins, pour faire ce genre de recherche en utilisant d'autres longueurs d'onde qui seraient spécifiques d'autres molécules qu'on aurait besoin d'étudier? Alors, c'est sûr qu'en RET, il y a plein en recherche et technologie, on pourrait utiliser effectivement cette méthodologie pour plein d'autres choses et accorder le laser de façon différente pour pouvoir aller atteindre d'autres molécules. Là, on a fait le choix délibérément de se concentrer sur le méthane. C'est un challenge et c'est ça dont on a besoin. Les climatologues, ils ont besoin des mesures de méthane avant tout. Donc, on se spécifie là-dessus. En plus, je vous ai dit déjà que c'était sur un microsatellite. Donc, c'est quand même assez limité en termes de puissance, etc. Donc, tout est en fait optimisé pour pouvoir récupérer le signal sur le méthane. Oui, je ne demandais pas de mettre tout ça sur le même satellite, mais est-ce que vous envisagez de développer ça sur d'autres gaz pour lesquels on aurait besoin de faire les mêmes mesures? Et accessoirement, est-ce qu'à défaut de la puissance, vous savez la longueur d'onde ou la zone de longueur d'onde utilisée? Alors la longueur d'onde, c'est 1,64 microns pour les spécialistes. En revanche, est-ce qu'on va l'utiliser? Peut-être, mais enfin, vous savez quand même que les satellites, on n'en décide pas tous les 4 matins. C'est quand même des investissements conséquents, des projets conséquents. Il faut ensuite que les scientifiques qui sont derrière puissent vraiment complètement valoriser tous ces programmes. Donc peut-être qu'un jour, cette technologie, et c'est bien l'objectif quand on commence une technologie, qu'elle soit réutilisée derrière. Pour l'instant, nous n'avons pas décidé de suite. Il faut déjà qu'on lance ce satellite, qu'on voit ce que ça donne. Et puis, peut-être que la suite nous dira qu'effectivement, c'est une technique à reproduire. Philippe Sier, un mot tout de même. Carole Deniel disait, on a surtout besoin de mesures du méthane. Vous confirmez? Le méthane, c'est le second gaz à effet de serre dont l'accroissement est lié aux activités humaines. Donc, c'est vrai que c'est un gaz qui est particulièrement important et qui nous pose en fait un problème peut-être à la limite plus complexe que celui du CO2. Parce qu'il est émis par une multitude de processus différents, de sources différentes. Et en plus, heureusement pour l'humanité, 90%, 95% du méthane qui est émis à la surface de la Terre, fort heureusement, ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Il est détruit par un agent nettoyant de l'atmosphère, qui est un composé chimique qui s'appelle OH, radicaux hydroxyle. Et donc, en fait, l'effet de serre, c'est-à-dire l'accroissement de la concentration de méthane, c'est vraiment tout le flux qu'on envoie, moins tout ce qui est détruit par ce fabuleux agent nettoyant qui arrive à détruire à lui tout seul tout le méthane, enfin 95% du méthane qu'on émet. Ça, c'est assez fabuleux, parce que ces fameux radicaux hydroxyles, qui ont évidemment une durée de vie très faible, si on collectait tous ceux qui sont dans l'atmosphère, on les prend et on les colle les uns à côté des autres, ça occuperait la surface d'un timbre-poste à peu près. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont là. Ouais. Ils sont très réactifs. Oui, ils sont en permanence réactifs. Détruits et régénérés. Oui, ils sont effectivement extraordinairement réactifs parce que leur concentration dans l'atmosphère est très très faible. C'est très difficile à mesurer. Et pourtant, c'est eux qui sont les principaux agents nettoyants de l'atmosphère. Les principaux il faut rappeler que le méthane. Agents chimiques qui nettoient l'atmosphère. Ouais. Il faut rappeler que le méthane a un effet de serre qui est quoi, 23 fois supérieur à celui du CO2, c'est ça? Ça dépend ce qu'on regarde comme échelle de temps, mais en gros, c'est ça, oui. C'est cet ordre-là, quoi. C'est cet ordre-là. La même, une molécule de méthane et une molécule de CO2, voilà, n'ont pas le même... Après, les tenants du CO2 vous diront, comme moi, que... Qu'est-ce que ça veut dire, un tenant du CO2 ben, c'est quoi un tenant du CO2? Regardez, quelle est vraiment l'importance de chaque gaz pour le changement climatique? C'est quand même une question fondamentale. Et ça, c'est vraiment lié à la durée de vie des gaz. Si vous arrêtez d'émettre, le CO2, il va encore rester dans 100 ans, il vous en reste encore 30% de ce qu'il y avait au début, et dans 1000 ans, il vous en reste encore 20%. Le méthane, au bout de 8 à 10 ans, il va être déjà, je dirais, réduit et diminué. Donc on peut dire... Il y a une sorte d'effet retard, si je puis dire. C'est-à-dire que le... c'est pas... si demain, on arrêtait complètement de produire, d'émettre du CO2, le CO2 actuellement présent continuerait de produire ses effets. C'est bien ça, le problème. C'est que l'effet de serre qu'on a actuellement, c'est le CO2 qui a été émis par nos ancêtres au cours du XXe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, quand même. Le CO2 qu'on émet, il sera important pour le changement climatique des générations futures. Donc, à cause de cette longue durée de vie, en fait, qui est un peu spécifique du CO2. En même temps, on peut dire aussi que le méthane, comme il a une durée de vie plus courte, si on prend des actions spécifiques pour réduire ses émissions, on va avoir un effet relativement immédiat, en tout cas à l'échelle de quelques années. Par exemple, si on colmate les fuites, des gazoducs, etc., on va voir un effet tangible sur le méthane dans l'atmosphère. Alors, en même temps, moi, Mehdi, je t'en prie. On s'était dit rendez-vous dans 1000 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra tout ce qu'on aura libéré dans l'atmosphère, tout le carbone. On a pompé nos réserves de pétrole, le méthane c'est léger, il s'envole. Du coup on lance des satellites très vite à sa poursuite sur une orbite. Les Japs ont envoyé GoSat, les Espagnols ont fait des GoFast. Il y a l'Europe et même la Chine, mais l'idéal ce serait que Poutine, s'il nous laissait en Sibérie, poser des capteurs au sol par ici, on éviterait de lancer des machines à laver. L'essorage va commencer, 4, 3, 2, 1, 0 et... On s'était dit rendez-vous dans 1000 ans. Alors, on vient de parler de Poutine. Il y a quelqu'un d'autre dont on peut parler, c'est Donald Trump quand même, président des États-Unis, qui estime que ce mardi d'espace n'a pas lieu d'être. Finalement, puisqu'on se pose des problèmes dont on n'est pas sûr qu'ils existent. Alors qu'est-ce que vous avez envie de... Pas de répondre non pas à Donald Trump lui-même, mais à ceux qui pensent que finalement, il n'y a pas de raison de s'exciter, quoi. Philippe Siet, c'est à vous, là. Parole à vous, là, quand même. Ça va être compliqué. Parce que finalement, on s'était dit, après l'accord de Paris, que les choses allaient dans le bon sens. Même si, une fois qu'on a écrit 2 degrés, faire quelque chose pour respecter ces 2 degrés, c'est quand même un effort planétaire important. Je dirais même gigantesque, non ? Voilà. Peut-être qu'on y reviendra. Mais... Ce qui est embêtant... 2 degrés, c'est la limite qu'on s'est fixée, limite maximum d'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est ça, oui. Voilà. C'est ça. Et on est déjà pratiquement à 1 degré, donc il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Et ce qui est embêtant, c'est pas tellement le fait qu'il y a comme ça un gouvernement très puissant qui finalement va rien faire pendant plusieurs années, c'est qu'on va perdre du temps. Et on disait déjà lors du protocole de Kyoto, je vous rappelle que ça date de 1997, qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour réduire les émissions. Ensuite, il y a eu Copenhague qui s'est soldé par un échec un petit peu, où rien n'a été fait. Et puis, beaucoup plus tard, finalement, on est en 2015, on a la conférence de Paris. S'il faut encore perdre 10 ans et qu'il n'y a rien qui est fait pour infléchir l'augmentation des émissions, on pourra se demander à ce moment-là si vraiment 2 degrés, c'est encore un objectif qui est atteignable. En tout cas, on aura plus de difficultés pour l'atteindre. Et malheureusement, comme ce problème, c'est un problème planétaire, il faut que finalement tous les gouvernements fassent des efforts, se donnent la main. Ce n'est pas un seul pays qui pourra décider de résoudre, je dirais, à lui tout seul le problème. Donc il y a besoin d'une concertation et d'une gouvernance internationale assez forte. Et justement, quand on regarde l'actualité, pense que la gouvernance internationale, ces temps-ci, c'est pas le top, quoi. Elle n'est pas au top de sa forme, quoi. Alors, on sent comme une pointe de regret dans votre voix. Mais quand vous voyez effectivement cette situation, ça vous... Comment est-ce que vous réagissez? Ça vous énerve? Ça vous agace? Ça vous désespère? Vous êtes philosophe? Vous êtes fataliste? C'est une bonne question, en fait. Est-ce qu'il y a encore, finalement, l'espoir d'aller dans le bon sens ou pas? Vous n'en êtes même plus à parler des 2 degrés, là. Je voulais juste aller dans le bon sens. Alors, 2 degrés, c'est déjà très difficile. Ça aurait déjà été très difficile sans Trump. Alors là, maintenant, ça va être encore plus difficile. Ça ne veut pas dire impossible, mais encore plus difficile. Parce qu'il faut... On sait très bien qu'il faut changer un petit peu la structure hein, des systèmes de production d'énergie. Nos sociétés ont besoin d'énergie, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi et diminuer notre consommation énergétique d'un facteur 10 ou le proclamer et l'avoir directement. Et donc le problème que ça pose, c'est que prendre du retard dans la lutte contre le changement climatique, ça revient finalement à léguer aux générations futures un problème qui sera plus difficile à gérer. Ça, c'est pour le côté pessimiste. Et c'est vrai qu'on peut être pessimiste quand même. Hein. Vous m'avez dit, quand on était au téléphone, vous m'avez dit, de toute façon, il y a quelqu'un qui va payer. Ouais. Alors, le côté optimiste, c'est que quand même, il y a des signes, je dirais, importants de début de changement. Comme dirait Churchill, hein, c'est pas... c'est pas le beginning of the end, c'est the end of the beginning. Hein, c'est le début. C'est la fin du début. C'est la fin du début. Voilà. D'accord. Et par exemple, en Chine, qui est un pays qui est le premier émetteur mondial, hein, qui consomme beaucoup d'énergie, en particulier de charbon, depuis 2 ou 3 ans, les émissions se sont stabilisées. Stabilisées, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elles se sont stabilisées pour toujours, mais ça veut dire qu'elles arrêtent d'augmenter. Mais c'est pourtant, ils fabriquent encore des tas d'usines de production d'électricité à base de charbon, oui. Non ? Et pourtant, ils ont aussi, c'est quand même le premier pays du monde à investir sur les énergies renouvelables, par exemple. Et donc quand on voit des grands pays émetteurs qui, peut-être pour d'autres raisons que seulement la lutte contre le changement climatique, conservation des ressources, la pollution atmosphérique, qui est vraiment un problème très important en Chine et en Inde aussi, commencent à prendre des mesures pour essayer de sortir du charbon, on se dit quand même qu'il y a aussi des signes positifs. Voilà, on n'est pas seulement dans un monde noir ou blanc où il y a uniquement des choses négatives et pas des choses positives. D'accord. Donc la réponse à ma question, c'est vous êtes philosophe. D'accord. D'autres interventions. Bonjour, Myrto Tripathi, conseillère de Brest-Lalonde. Je vous déporte un peu sur un autre terrain. La précision dont vous avez parlé dans la mesure du méthane et des émissions de méthane à partir du sol, si je comprends bien, quel objectif pour vous est-ce que ça a du point de vue politique et économique? Est-ce que c'est... De quelle manière est-ce que vous attendez que ces mesures soient utilisées? Par qui? Est-ce que ça va être une recherche en responsabilité? Est-ce qu'on va pouvoir user de ces leviers-là? Et autre question, peut-être un peu plus technique, mais qui est peut-être liée. Est-ce que l'émission du méthane que vous mesurez, vous en mesurez la hauteur, l'altitude? Est-ce qu'on est capable de dire si elle émane du sol, si elle émane de quelques kilomètres au-dessus du sol ou de manière intermédiaire? Merci. Il y a beaucoup de questions dans votre intervention. Alors, la première, c'est qu'on fait en sorte justement de choisir des instruments qui mesurent près du sol. Et c'est pour ça qu'on ne fait que maintenant ces satellites. On a commencé par mesurer ce qui se passe près du sol avec des instruments au sol. Et depuis quelques années, on voit que la technologie spatiale nous permet maintenant d'avoir un signal qui va jusqu'au sol. Parce que depuis l'espace, il faut traverser la stratosphère, les nuages, la troposphère avant d'arriver près du sol. Et c'est pour ça que c'est que maintenant que les satellites sur le CO2 et le méthane voient le jour ces dernières années. Donc effectivement, aujourd'hui, on est capable, avec par exemple Merlin, de mesurer l'ensemble de la colonne jusqu'au sol. Alors on ne mesure pas la répartition verticale, mais de toute façon, On a une moyenne sur... Sur la colonne. On a une moyenne sur la colonne. Mais jusqu'au sol. Parce qu'en fait, c'est assez vite mélangé, encore plus pour le CO2 qui n'a pas de nettoyeur, comme disait Philippe tout à l'heure, pour le méthane. Le CO2, il n'y en a pas, donc il est très vite mélangé dans l'atmosphère. Donc ce qui compte, c'est effectivement ce qui est près du sol. Et les satellites, maintenant, avec la technologie qu'on a dans le proche infrarouge, sont capables d'aller jusqu'au sol. Et c'est pour ça que maintenant, on commence à... C'est une nouvelle ère pour le spatial qui démarre. Donc ça, c'était pour votre première question. La deuxième question, c'est que les scientifiques, ils ont aujourd'hui toute une batterie de modèles très performants qui modélisent l'atmosphère, qui modélisent le méthane, le CO2 dans l'atmosphère. Et grâce notamment au réseau sol, on a déjà une bonne compréhension du système. Ce qu'on cherche à avoir avec l'espace, c'est cette vision globale de l'ensemble de la planète, et puis d'avoir une visibilité dans le temps qui est continue. Un satellite comme Merlin, il va durer 3 ans, peut-être 4 ans. Un passif, ça peut durer même plus, ça peut durer 6, 7, 8 ans. Donc ça nous permet d'avoir dans la durée des données qui sont homogènes sur l'ensemble du globe. Alors c'est important pour les scientifiques, mais c'est aussi important pour la politique, parce que du coup, on n'a pas de frontières. On ne fait pas des mesures en France, en Allemagne, aux États-Unis. On fait des mesures sur l'ensemble du globe et toutes les mesures sont faites de la même façon, quel que soit le pays. Et ça, c'est politiquement aussi un argument assez puissant, me semble-t-il. Donc on cherche une précision qui va effectivement permettre d'avoir, par rapport à ce que connaissent aujourd'hui les scientifiques grâce au modèle, un delta de connaissances. Un apport de connaissances. Donc aujourd'hui, pour le méthane par exemple, on est à 22 ppb parties par billion de précision recherchée. Par milliard, oui. Pour pouvoir avoir un apport d'informations dans le système actuel qui existe. On a déjà, même sans satellite, heureusement, les scientifiques n'ont pas attendu et modélisent l'atmosphère, utilisent les réseaux sols, les réseaux depuis les avions, depuis les ballons, etc., pour essayer de comprendre. Donc avec ces satellites, on cherche une précision qui va nous permettre de faire un cran au-dessus. C'est toujours itératif, la science, et c'est comme ça que ça va marcher. Donc ça, c'est important. Et c'est important aussi, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une mesure qui est partagée par l'ensemble des partenaires qui sont notamment dans le traité. Alors évidemment, mesurer ne va pas résoudre le problème. Mais enfin, c'est le début, dans la mesure où chaque pays partage le constat, partage des données qui sont a priori scientifiquement non discutables. Les scientifiques, grâce au GIEC, réduisent de plus en plus les incertitudes liées à ces observations et à ces constats. Et donc c'est grâce à un constat partagé, vu depuis l'espace, donc indépendamment des frontières, qu'on arrivera probablement à faire avancer les choses. On a réussi pour le trou d'ozone, et je pense que la mesure depuis l'espace a vraiment permis d'avoir une vision de notre planète intégrée, indépendamment des gouvernements. Et on a réussi à avoir des protocoles pour éliminer les CFC, ce qui détruisait la couche d'ozone. Les chlorofluorocarbones. Les chlorofluorocarbones. Et bien maintenant, pour les gaz à effet de serre, il faut qu'on arrive à ce que tous ces pays se mettent d'accord sur les constats. Et le spatial devrait permettre d'avoir cette vision globalisée de notre planète. Je sais pas, il y avait peut-être d'autres aspects dans votre question. Il y avait d'autres aspects, mais on y reviendra. Parce qu'il y avait un aspect, notamment, est-ce que le satellite pourrait permettre de vérifier les recherches en responsabilité. Ouais. Philippe Sier. Je ne pense pas que, même si c'est écrit dans les journaux, qu'on puisse, je dirais, demander aux satellites de faire une sorte de police de l'espace, hein, des émetteurs ou des fraudeurs à l'émission de gaz à effet de serre. Pour deux raisons. D'abord, je dirais, c'est les pays eux-mêmes, c'est un peu ça le succès de l'accord de Paris, qui ont proposé de faire des efforts. Et ce qui avait foiré à Copenhague, c'était justement une approche un peu plus dirigiste, où on essayait de leur imposer des efforts. Ça n'avait pas marché. Et en plus, ce qu'un gouvernement va essayer de faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il va prendre des mesures sectorielles. Il va dire, par exemple, moi, j'ai un certain nombre de décharges qui émettent, dont les déchets émettent du méthane. Je vais m'engager à équiper toutes ces décharges de systèmes qui vont, par exemple, récupérer le méthane, faire du biogaz et puis le transformer en CO2 pour avoir moins d'effet de serre. Et donc là, on est sur des échelles toutes petites, sur des secteurs. Et les satellites ne vont pas pouvoir vous dire si c'est la décharge de Cergy-Pontoise ou celle de Gif-sur-Yvette qui va émettre moins de méthane. Donc il y a vraiment une différence entre les politiques et mesures de réduction des émissions qui sont en général sectorielles et très détaillées, et puis les mesures atmosphériques. Par contre, ce qui est quand même important, c'est d'avoir des mesures pour que les deux soient réconciliables. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit « moi, j'ai divisé mes émissions par 10 » et qu'à l'aide de satellites ou de données sol, on voit que ce n'est pas le cas, là, évidemment, ça apporte quand même une information qui est importante. Qui n'est pas forcément pour, je dirais, mettre les gens en face d'une forme de mauvaise foi. Mais des fois, il y a des sources de gaz à effet de serre qui ne sont pas très bien connues et qui permettent justement d'identifier quelles sont ces sources et donc de travailler dessus. Donc c'est ça qui est important, en fait, c'est de faire un travail commun entre ce qu'apporte la mesure, qui n'arrive pas à différencier tous les secteurs, et puis ce qu'apportent les politiques, qui, elles, sont très sectorielles, parfois très détaillées, et on espère quantitatives. Alors, on a pas mal de petits documents là, que vous nous avez apportés. Enfin, voilà, on a tiré ça de toutes ces courbes d'un site internet très intéressant qui s'appelle le Global Carbon Project. En tout cas, il y a un site internet lié au Global Carbon Project avec plein de courbes qui sont vérifiées, qui portent l'imprimature de Philippe Sieyès. Et alors, par exemple, il y a celui qui s'appelle le Global Carbon Budget. On peut peut-être le regarder ensemble. Ça doit être la page 5, quelque chose comme ça, ou 6. Global Carbon Budget. On peut le regarder ensemble parce que ça permet de savoir... Donc, c'est le CO2, hein, les flux de CO2. On voit ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon, là, donc en gris et en jaune. Qu'est-ce qui est émis, ouais. Quelles sont les sources finalement d'émission du CO2, et en dessous de la ligne d'horizon, en vert, en gris également et en bleu, c'est comment est-ce que ce carbone est absorbé, si je puis dire, hein, où est-ce qu'il va plutôt, quelle est sa destination. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce graphique? Alors, ce graphique, on l'aime bien. Évidemment, il n'est pas fait, il est fait par, je sais pas, plus d'une soixantaine de laboratoires et plus de chercheurs qui travaillent pour essayer chaque année, en fait, de mettre à jour, de mettre un point pour l'année précédente sur le graphique. Ben, c'est un peu comme votre compte en banque. Sur la partie du haut, vous avez les recettes. En gros, pour nous, c'est les émissions. Et puis, sur la partie du bas, vous avez où va le carbone qui est émis. Comme le CO2, enfin le carbone, il ne peut pas être détruit, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc, par quoi il est émis? Ben, en gris... Ça, c'est source de carbone, donc ça comprend le CO2 et le CH4. Non, c'est que le CO2. C'est que fait. Le CO2, d'accord. Ouais. En masse de carbone, le CH4, c'est pas très important. Hein. C'est-à-dire, même si on rajoutait la masse de carbone du CH4, ça changerait à peine l'épaisseur du trait. Parce qu'il y en a très peu du CH4 par rapport au CO2. En masse. Hein. En masse, oui. En absorption des photons importants pour l'effet de serre. C'est important. Bien sûr. Alors, y a deux surfaces. Il y en a une qui est, brune ou beige, qui en fait sont aussi vieilles que l'humanité. C'est ce qu'on appelle en français la déforestation. Donc c'est le land use change. Voilà, là. Ou le changement d'utilisation des sols, pour faire un peu plus scientifique, qui est lié au fait que les activités humaines dépendent de la production agricole. Pour produire de l'agriculture, il faut changer des écosystèmes naturels. Et en général, ça conduit à une perte de carbone vers l'atmosphère. Et cette déforestation, elle existe depuis... C'est la déforestation, en fait. Voilà, hein, la déforestation, elle existe depuis... Ce qui est ocre, là, c'est la déforestation. Même, on pense, avant l'ère industrielle. Elle n'a pas commencé en 1750, même si l'IPCC fait partir l'IPCC, l'ère industrielle. C'est le GIEC, hein, voilà, ouais. de 1750. Donc, on voit que c'est relativement étal, hein, relativement équilibré depuis 1880. C'est équilibré. Hein, voilà. On a une augmentation dans les années 60 dans les tropiques, parce que la population des pays tropicaux a beaucoup augmenté. Les gens, en quelque sorte, se sont rués sur la forêt. Hein, il y a eu beaucoup de déforestation. Il y en a toujours au Brésil, un petit peu moins en Afrique et en Amazonie. Et puis, ce qui est assez frappant, c'est qu'en 1960... Finalement, la quantité de carbone émise par la déforestation, elle était aussi importante que l'ère de la courbe grise, qui est le carbone émis par le charbon, le pétrole, l'énergie fossile. À l'époque, ça faisait jeu égal. Plus loin dans le siècle, en fait, la déforestation était même plus importante que les balbutiements ou les développements de l'industrie. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas photo. On voit qu'il y a plus de 9 dixièmes du carbone émis par les activités humaines qui est du carbone fossile. Et seulement 10%, même pas, qui est du carbone lié à la déforestation. Ça ne veut pas dire que la déforestation s'est réduite, ça veut juste dire qu'en fait, on a vraiment une explosion d'utilisation du carbone fossile. Donc ça, c'est beaucoup l'industrie, c'est la... L'industrie, les transports, et surtout l'énergie. L'énergie, oui, c'est ça. Et alors... Ensuite, il y a tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison. Il y a quand même une différence entre le marron et le gris qu'on ne voit pas très bien. C'est que la déforestation... Ça revient à faire quoi? On prend du carbone qui est sur les continents, on le détruit et on l'envoie dans l'atmosphère. Mais le système océan plus atmosphère plus continent, il a la même masse de carbone. Le carbone fossile, c'est différent. Vous prenez du carbone géologique qui a jamais vu depuis des millions d'années, hein, ni l'atmosphère, ni l'océan, ni la végétation et les sols. et en une échelle de temps qui est, je dirais, une étincelle par rapport aux constantes de temps de formation de ces gisements de carbone fossile, on l'injecte dans l'atmosphère. Donc là, c'est vraiment du carbone en plus, géologique, exogène, qui va s'ajouter au système. Voilà. Et alors après, en bas, que devient le carbone ? Alors finalement, ce qui est le plus important, c'est la courbe du milieu, qui est la petite surface bleu clair. Atmosphère. Voilà, c'est la fraction qui fait du changement climatique. Elle c'est serait ça, égale à zéro, on n'aurait pas de changement climatique. Voilà, c'est et ça. C'est malheureusement, ce bleu ciel qui est problématique. Voilà, elle s'accumule dans l'atmosphère. Ouais. Ça, donc, c'est la mauvaise nouvelle. Ouais. Donc, il y a le land sink, donc c'est le puits terrestre. Voilà, mais la bonne nouvelle, ouais, c'est que notre planète, elle a ce qu'on appelle un cycle du carbone. Et comme il y a de la vie dessus, en fait, heureusement, il n'y a qu'en moyenne 50% du carbone qui est émis dans la figure du haut, qui finit, qui se retrouve dans l'atmosphère. L'autre 50% sont absorbés par le vert qui est l'ensemble de la végétation et des sols, et le bleu foncé qui est l'océan. On n'aurait pas l'océan, on n'aurait pas de végétation et pas de sol, ben on aurait 100% de la somme de ce qui est en marron et en gris qui donnerait de l'effet de serre. On aurait en fait une vitesse de changement climatique deux fois plus importante, quoi. Donc l'océan absorbe pas mal de gaz à effet de serre, certains, et de CO2 d'ailleurs plutôt, ouais. Certains disent que l'océan pourrait arriver à saturation de ce point de vue-là, et du coup, un jour, bon, l'océan, que l'océan ne pourrait plus absorber de CO2 tant il en serait chargé. L'océan, c'est un bon réservoir quand même, parce que, en fait, si le CO2 rentre dans l'océan, c'est juste que la pression partielle dans l'atmosphère est plus forte que la pression partielle à l'équilibre, hein, c'est la loi de Henry, hein. Dans l'océan. Et donc ça fait rentrer du CO2. Et heureusement, l'océan, il est épais, il y a à peu près 3800 mètres d'épaisseur et de profondeur. Et donc, une fois que cet excès de CO2, il est rentré dans la couche de surface, les 100 premiers mètres de l'océan, qui sont relativement bien mélangés, ce qui va continuer, en fait, à faire partir cet excès de CO2, c'est le mélange entre l'océan de surface et l'océan profond, qui se produit que dans certaines régions spécifiques de l'océan. Mais heureusement, comme on a 3000 mètres d'océan et qu'on a encore des régions où l'océan de surface rencontre et se mélange avec l'océan profond, pour l'instant, c'est un puits de confiance. Un puits de confiance. Ben oui, parce qu'on voit, en fait, d'une année sur l'autre, il ne varie pas beaucoup, il augmente. Et en plus, son augmentation est indexée à celle du CO2. Plus on augmente le CO2, plus on augmente la différence de pression partielle entre l'air et l'eau. Et donc, plus ça renforce le puits océanique, à quelque chose près. Par contre, celui qui n'est pas terrible, mais qui nous rend quand même service, puisque aujourd'hui il absorbe 25% des émissions, c'est la partie en vert. Mais qu'est-ce qu'elle est inconstante, c'est incroyable. Bah oui, c'est ça, c'est pas très constant, hein. C'est pas terrible. Hein. Parce que alors, si on regarde en fait la taille du vert, il y a vraiment des années terribles, par exemple en 1987 ou en 1998, où là c'est carrément zéro, même... l'océan redonne du carbone, la végétation, la terre, ouais, redonne du comment carbone dans l'atmosphère. Ben, en fait, les connaisseurs un petit peu retrouveront tout de suite, à travers ces dents-ci, des variations du climat. En gros, quand on a un phénomène qu'on appelle El Niño, qui conduit à avoir plus de sécheresse dans les tropiques, ça affaiblit considérablement. Heureusement, pas pour très longtemps, la capacité des continents pour absorber du carbone. Et puis, vous avez quand même des bonnes années. Par exemple, le pic d'absorption au début des années 90 correspond en fait à un refroidissement qui a duré pendant 3 ou 4 ans, qui a suivi l'éruption d'un volcan qui s'appelle le mont Pinatubo, qui est dans les Philippines, qui a injecté très haut dans l'atmosphère, dans la stratosphère, en fait, beaucoup d'aérosols, qui a conduit en fait à un refroidissement du climat qui dure 3-4 ans. Et en général, quand il fait plus froid, on a plus d'absorption, et au contraire, pendant un El Niño, par exemple, quand il fait plus chaud, on a au contraire une absorption qui est affaiblie. Alors c'est dommage, parce que la tendance est au réchauffement, hein, si j'ai bien compris. Alors voilà, et c'est bien ça justement, c'est que finalement, la nature, à nous scientifiques, c'est comme un assistant de laboratoire à l'échelle 1, hein. Ça nous offre des expériences naturelles pour essayer de comprendre comment les puits de carbone répondent à ce signal climatique. Quand il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? Quand il fait froid, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de cette connaissance dérivée de la variation interannuelle, on peut quand même commencer à apprendre des choses sur la façon, comme vous dites, dont le réchauffement futur va aussi altérer la capacité de cette courbe verte, hein, des continents à absorber du carbone. Voilà. Alors c'est pas si simple, hein, de passer d'une échelle d'une année sur l'autre à une échelle de ce qui vous va inquiétez passer pas. dans 100 ans. Mehdi va nous expliquer ça tout de suite. Mais on peut essayer. Oui, c'est pour rendre hommage à la COP21. Les accords de Paris, c'est sûr, c'est bien français. Vu tout ce qu'on boit chez nous, on sait bien mesurer. Le vin 12 degrés 5, pastis 51. Mais quant à l'atmosphère, 2 degrés, ce serait bien. On compte sur Monsieur Merlin et Mamselle Hydroxyle, plus Monsieur Propre, la mère Denis pour les tâches difficiles. Sous le ciel de Paris, ça manque d'absorption. On sera sauvé à moins de parties par billion. D'autres interventions peut-être. Juste, oui, je vous en prie, Philippe. Sur la courbe, quand j'y pense. On en a encore plein d'autres, des fait, courbes, hein, Philippe. Cette courbe, elle est vraiment fondamentale. Elle contient tout. Hein. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que la fraction du carbone qui reste dans l'atmosphère, donc en fait la superficie de la courbe bleu clair en bas, divisée par la perturbation, tout ce qu'on met, donc la somme de la courbe marron clair et gris, cette fraction, si vous regardez sa moyenne, eh bien, elle est restée constante sur à peu près 60 ans. Et ça, c'est quand même extraordinaire, parce qu'en 1960, on émettait en gros 2-3 milliards de tonnes de carbone, pas plus, et les continents et les océans absorbaient 1, pas mal. Aujourd'hui, on émet quand même 10, et quand même, notre planète est capable d'absorber 5. Et cette linéarité, finalement, d'un cycle biogéochimique si compliqué, avec de la vie, des forêts, des prairies, des océans, des phénomènes physiques, chimiques et biologiques, cette linéarité en fait de l'absorption de l'excès de carbone anthropique par notre planète, c'est quand même quelque chose qui ne cesse de, je dirais, de m'émouvoir et de nous intéresser. C'est une propriété fondamentale qui est toujours pas très bien comprise. Moi personnellement, je comprends pas pourquoi quand on passe d'une émission de 2 à 10, on continue à avoir un système qui a autant de, je dirais, de résilience et autant de capacité pour absorber une perturbation. En fait, on a de la chance et on ne s'en rend pas compte. Monsieur. Alors, ça pourrait peut-être paraître idiot, mais un moyen aussi de lutter contre les émissions de carbone. Par exemple, je vois là, en fait, le fameux land sink, c'est tout le carbone qui est absorbé par la biosphère, donc les forêts, les êtres vivants. Et je me souviens avoir vu une émission il y a plusieurs années de ça, quand on commençait à parler du réchauffement climatique, que des forêts pourraient pousser dans des endroits où on n'aurait pas pensé avant, surtout dans les zones au-delà des cercles polaires, par exemple. Est-ce que ça pourrait jouer justement sur l'absorbance de ce carbone? Ça pourrait aider, on va dire, même si ce n'est pas la seule solution. Oui, en fait, y a pas mal de programmes pour lutter contre le changement climatique. On peut proposer de faire ce qu'on appelle de l'afforestation, c'est-à-dire en gros planter des forêts. Ça se fait déjà pas mal. Ça se fait déjà pas mal, oui. Pourquoi pas ? Simplement, il faut quand même, je dirais, il y a un retour à la réalité là-dessus. C'est qu'on ne va pas faire des plantations massives de forêts juste pour séquestrer du carbone sur les meilleures terres agricoles. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on va chercher des terres qui sont un peu moins bonnes, un peu plus arides, par exemple. Et aujourd'hui, sur Terre, on n'a pas que des forêts. Il y a une limite de précipitation où il apparaît des savanes et des prairies, simplement, parce que les arbres ne peuvent pas tenir. Et donc on peut penser que si on va essayer de force de planter des forêts dans des régions qui sont, je dirais, en limite en termes de quantité d'eau disponible, on va dépenser beaucoup d'énergie et on ne va pas bien y arriver. Et puis il y a aussi un effet des forêts. Je ne veux pas critiquer les forêts. Moi, j'aime bien les forêts. Hein. Mais c'est qu'une forêt, ça stocke du carbone, mais ça transpire de l'eau. C'est-à-dire, on peut pas faire de la photosynthèse sans perdre de l'eau. Et sur la grande région de Chine, qui était très érodée, qui s'appelle le plateau du Lus, qui est en fait sur le bassin du milieu du fleuve Jaune, parce que les sols étaient très dégradés, les Chinois ont décidé de planter, je crois, plusieurs dizaines de millions d'hectares de forêt. 30 millions d'hectares, la France, c'est 45 millions. Donc ça fait 2/3 de France plantée en nouvelle forêt. C'est quand même pas rien. Oui, mais à l'échelle de la Chine. Voilà. Et effectivement, ça a bien marché. Il y a une restauration des sols. La qualité des sols s'est améliorée. Mais en revanche, il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau parce que toute l'eau repart. Elle est transpirée par les arbres vers l'atmosphère. Donc si on veut des rivières, on ne peut pas planter des forêts dans des endroits trop secs. Voilà un petit peu le message simpliste. Je reviens sur la question du méthane tout à l'heure. J'ai jamais bien compris, et je ne dois pas être le seul, comment se diffusent des molécules dans l'atmosphère si on pense au poids atomique. Les CFC, par exemple, c'est des trucs très lourds et apparemment, ils sont nuisibles sur la couche d'ozone qui est très haut. Le méthane, par contre, il est très léger. Donc, est-ce qu'on le retrouve en bas quand il est récemment émis et est-ce qu'il migre, vu sa légèreté, vers le haut? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans tout ça? Je me souviens que, par exemple, il y a un siècle, il y a eu des ballons qui était gonflé au méthane quand on ne trouvait pas d'hydrogène, parce que CH4, ça fait 16, c'est la moitié de l'air. Donc c'est moins efficace que de l'hydrogène ou de l'hélium, mais c'était aussi beaucoup moins cher. Oui, en fait, tous ces gaz à effet de serre, ils sont très très bien et rapidement mélangés dans l'atmosphère. C'est-à-dire que ce n'est pas la diffusion moléculaire qui changent leur concentration, c'est vraiment la turbulence. Et dans ce qu'on appelle la couche limite, c'est-à-dire la couche qui est rapidement mélangée par la turbulence, en quelques heures, les gaz sont homogénéisés. Et puis, ça passe un peu plus lentement dans la haute atmosphère, mais on a quand même beaucoup de régions où on a ce qu'on appelle de la convection. La convection atmosphérique, c'est puissant, hein. Vous prenez un avion, vous traversez l'Amazonie ou l'Équateur. En général, les nuages convectifs, ils vont jusqu'à 20 km. Ça veut dire qu'ils sont capables de soulever en quelques heures de l'air de la surface et à le redistribuer dans la haute atmosphère. Et donc, c'est un milieu qui est extrêmement, qui est bien mélangé verticalement grâce à la convection. Donc, pas trop de problèmes de, je dirais, de sédimentation des molécules en fonction de leur masse moléculaire. Et ensuite, il est très bien brassé par l'advection, c'est-à-dire le transport horizontal est très rapide. Typiquement, vous divisez l'atmosphère en deux hémisphères, le nord et le sud. Pour que tout l'air de l'hémisphère nord passe statistiquement dans l'hémisphère sud et vice-versa, il faut un an. Ça veut dire qu'en un an, en fait, si vous pouviez mettre une petite bouée, une petite couleur à une molécule de CO2 qui est émise sur la France, en un an, elle est en Australie, quoi. Donc, en fait, c'est un milieu qui est très bien mélangé. Et c'est ça qui rend la mesure difficile. C'est que si c'était un milieu stagnant, on mesurait des gradients de concentration très forts à proximité des sources et on n'aurait pas besoin de précision démoniaque avec des satellites et compagnie. Mais justement, comme il est bien mélangé, les gradients de concentration sont très faibles. Donc il faut avoir une très bonne précision expérimentale pour les attraper et ensuite les interpréter en termes de flux à la surface, quoi. J'aurais envie qu'on aille page 10 là, de notre petit livret avec vous, Carole Deniel. Là, c'est le GOSAT Project, le Global Greenhouse Gas Observation by Satellite. Donc, c'est un. À gauche, c'est celui qui a été lancé en 2009. Donc, ça a été le premier, la première mission spécifiquement dédiée à l'étude du CO2 2009. C'était il y a 8 ans. Vous en avez dit un mot, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps? Bon, alors déjà. C'est technique, il y a un problème technique, c'est ça? Oui, alors c'est-à-dire qu'il faut, pouvoir descendre tout près de l'atmosphère, tout près de la surface, pardon. C'est ça qui est intéressant pour les gaz à effet de serre depuis l'espace. Comme on l'a vu, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer proche de la surface. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la source, ou soit la source d'émission, soit le puits, finalement. Exactement, hein, on veut savoir où est-ce que ça émet, où est-ce que ça capte. Où est-ce que c'est émis, au-dessus de quelle forêt ça capte, pourquoi, en fonction des saisons, en fonction de la pluviométrie, de la température, des sécheresses, etc. Donc on veut comprendre ça, et donc on veut être le plus près possible de ce qui émet ou ce qui capte le CO2 ou le méthane. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, ça veut dire traverser, comme on a dit, toutes les couches de l'atmosphère pour descendre. Pendant longtemps, moi qui suis en charge des programmes composition de l'atmosphère, on s'est quand même focalisé sur la couche d'ozone. C'était la grosse problématique dans les années 90. Et déjà, là, on est dans la stratosphère et on cherchait à mesurer la concentration d'ozone dans la stratosphère vers 20 km d'altitude. On a eu des capteurs pour ça. On a été dans différentes longueurs d'onde pour essayer de capturer la molécule d'ozone. Et puis, petit à petit, la problématique du gaz à effet de serre est arrivée et on a cherché à comprendre comment on pouvait descendre près du sol. Et pour descendre près du sol, il faut pouvoir départager en fait le signal qui est émis par la Terre et celui émis par l'atmosphère, parce que plus on est proche du sol, plus ça se mélange. Et donc, il a fallu arriver à des technologies dans le proche infrarouge, des détecteurs qui nous permettent de mesurer ces signaux. Et ces détecteurs, ils existent depuis pas si longtemps que ça. On a orienté la recherche spatiale dans cette direction. Et effectivement, en 2009... Alors, en fait, il y avait un satellite déjà européen qui n'était pas dédié gaz à effet de serre, qui s'appelait Scamacky. C'est juste la page avant. On va regarder juste la page avant. Bon, c'était pas c'était pas une mission, c'était pas un satellite, c'était un instrument Scamacky sur Envisat. Exactement. Hein, satellite européen. Exactement. Qui a été lancé au début des années 2000. D'études de l'environnement, oui. Voilà. Qui comportait toute une batterie d'instruments et qui était quand même très orienté sur la stratosphère, sur la problématique de la couche d'ozone. Sur cet instrument Scamacky. Là, vous parlez d'Envisat. Envisat était très tourné vers la couche d'ozone. Voilà. Il y avait trois instruments dédiés à la couche d'ozone, à la composition de l'atmosphère. Scamacky, GOMOS, avec une technologie différente, et puis MIPAS. Et sur Scamacky, qui était fait par les Hollandais, il y avait une longueur d'onde supplémentaire qui avait été ajoutée pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire sur le CO2 dans cette région de SWIR. Alors, il n'était pas dédié gaz à effet de serre dans la mesure où les pixels, c'est-à-dire les visibilités de la mesure étaient très grandes. Donc, on a pu faire de la climatologie de CO2, CH4, mais on n'a pas vraiment pu faire des bilans de carbone détaillés. Donc, la résolution n'était pas bonne au sol, c'est ça ? La résolution était de plusieurs centaines de kilomètres. Je ne sais plus exactement, 60 par 40 kilomètres. Enfin, ça nous a permis de faire des premiers bilans. Oui, c'était une première approche, finalement. Voilà. Et de montrer que c'est en utilisant ces longueurs d'onde-là, dans le proche infrarouge, qu'on pouvait effectivement accéder au CO2, CH4. Alors, j'ai mis là, sur la page numéro 9... On voit le Envisat. Oui. Et puis, je vous ai montré une magnifique carte de la Terre. Bon, le manque de bol, ce n'est pas du CO2 là, qui est montré. C'est le monoxyde de carbone. Donc, j'étais très content en vous disant, mais regardez, dès 2002, on a été capable de faire des superbes cartes. En fait, non. Ça, c'est une carte du monoxyde de carbone. C'est un lien, le CO, le CO2. Oui. C'est en mesurant, on espère, en mesurant le CO, le CO2, en faisant les rapports des deux, pouvoir discriminer justement le CO2 anthropique du CO2 dit naturel. Donc, c'est une des pistes. CO2 anthropique, c'est-à-dire CO2 produit par l'homme, par l'activité humaine. Par les énergies fossiles, voilà. Donc, c'est une piste aussi de recherche pour discriminer les différents types de CO2. Donc, voilà. Donc, en 2003, on commence à faire des petites choses. C'est intéressant. Il y a quand même des articles scientifiques qui ont été publiés sur le CO2. Oui. À partir de Scamacky. 2009, on a notre vrai GOSAT japonais. Les Japonais se sont mis sur les rangs tôt. Pourquoi est-ce que les Japonais sont si costauds là, dans ce domaine-là? Parce qu'ils ont réédité, là, en 2018, on va avoir GOSAT 2 qui se trouve à droite, en fait, sur la page numéro 10. L'agence spatiale japonaise, qui s'appelle la JAXA, a toujours fait des petits bijoux technologiques, sans savoir vraiment quoi faire des données, parce que c'était vrai aussi sur ADEOS. Je me souviens, il y avait un instrument qui était précurseur de YASI, un autre instrument intéressant. ADEOS, c'est quoi ? C'est le nom du satellite à l'époque. Oui, qui faisait quoi ? Qui faisait... alors, il y avait tout un tas d'instruments à bord, mais il y avait... C'est l'environnement, c'est ça aussi ? Oui, sur la composition de l'atmosphère. Il y avait un petit instrument qui faisait beaucoup de mesures, justement, des gaz liés à la pollution, à l'ozone stratosphérique. Et c'était un vrai petit bijou. Il n'a pas duré très longtemps, mais il a démontré toutes ses capacités déjà à l'époque. Et donc, la JAXA a vraiment un programme de recherche et technologie sur les détecteurs qui est très performant. Et voilà. Donc, en 2009, elle était capable de rapidement mettre en place ce programme. En même temps que la NASA, quand même, il faut le dire, qui avait aussi en 2009 lancé un satellite dédié qui s'appelait OCO. Alors c'est la page suivante, page 11, vous avez OCO. Donc il a été lancé en 2009, mais ça a été un échec alors, OCO. Le lancement, malheureusement, s'est mal passé. Le satellite s'est retrouvé au fond de l'eau et donc, malheureusement... ça n'a pas marché très très bien comme prévu. Et donc il devait étudier le CO2 et le méthane également ? Ou juste le CO2. Le CO2, GOSAT, c'est le CO2 et le méthane. Et donc, effectivement, du coup, GOSAT est finalement le premier satellite dédié qui fonctionne. Ceci dit, la NASA a très vite rebondi, puisque suite à l'échec au lancement en 2009, elle a décidé très rapidement de mettre en place un programme de remplacement qui s'appelle OCO 2, qui a été lancé en 2014. Mais c'est le même que le c'est OCO, le même. Hein, voilà, c'est le ça. Même. C'est le même. Voilà, donc ils sont... Alors ceci dit, la communauté japonaise et américaine et européenne travaille main dans la main sur l'exploitation des données GOSAT. Dès 2009, il y a eu beaucoup d'efforts au niveau international sur l'exploitation de la mission japonaise. On va s'interrompre une seconde pour une question. Merci. Alors, c'était justement l'objet de ma question. Quand on voit les différents programmes internationaux, on va parler, plutôt que de parler de compétition, on va essayer de parler d'émulation positive. Est-ce que, effectivement, ces différents programmes arrivent à construire les uns sur les autres, ou est-ce que, malheureusement, finalement, les politiques propres à chaque pays font que des fois... des fonds et des efforts de recherche sont dépensés dans les mêmes zones et dans les mêmes sujets et que finalement ça fait doublon. Ou est-ce qu'on arrive à vraiment optimiser la recherche mondiale? Alors, et chacun faire un bout de ce qui est globalement nécessaire? Alors bien sûr, chaque pays veut être le meilleur, ça c'est sûr. C'est quand même une certaine compétition technologique des industriels plus que des agences spatiales, je dirais. En revanche, il faut bien voir qu'il y a quand même des organisations internationales qui sont là pour faire discuter les agences et les pays entre eux, notamment le COS, qui est un Committee of Earth Observation Satellite, qui est là pour mettre les agences autour de la table et partager des constats de nécessité d'observation. Et notamment sur les gaz à effet de serre, il est question de discuter pour effectivement être complémentaire. Si on a des technologies qui sont similaires... on essaie d'être meilleur que le voisin, bien sûr, mais en tout cas, on travaille toujours en essayant d'avoir une complémentarité en termes d'orbite et de partager les données. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Au CNES, régulièrement, on travaille avec la NASA, la JAXA et même maintenant la Chine sur les partages des données. On fait des accords. On a nos juristes qui sont qui adorent ça, qui font des accords pour discuter. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir discuter pour partager les données. Et maintenant, il y a le troisième satellite qui a été lancé, et d'ailleurs un satellite chinois, le satellite dédié, qui a été lancé juste avant Noël, satellite TANSAT. Juste avant qu'on en parle, il y a un troisième OCO qui doit être lancé, je crois, sur la station spatiale... Qui devait. Ah. Il a été... Trumpisé. Ah, il a été Trumpisé, d'accord. Voilà. Il a été Trumpisé, c'est-à-dire qu'il a été supprimé, quoi. C'est-à-dire que c'est un programme qui devait être sur la station spatiale en 2018. Et il y a un mois, je crois, la NASA, l'administration de M. Trump, a revu les budgets de la NASA et a décidé de supprimer quelques missions spatiales dédiées à l'observation de la Terre au bénéfice de l'exploration planétaire. Et donc, OCO 3 fait partie des victimes du programme. Donc, il n'y aura pas d'OCO 3. En revanche, la NASA avait aussi sélectionné, avant Trump, un satellite en géostationnaire pour la mesure du carbone qui doit être lancé en 2020. Et celui-là, il n'a pas été encore Trumpisé. Donc, on espère que... C'est Géocarb. C'est Géocarb. Exactement. Et lui, il sera en géostationnaire. Donc, on n'est plus à 500 km d'altitude, comme avec Merlin. On est à 36 000 km d'altitude. 500 km, 36 000 km. Donc, on est beaucoup plus loin. On va regarder qu'une seule face de la Terre, je suppose. On n'en fait pas le tour, hein, puisqu'on est géostationnaire, on reste toujours au-dessus des mêmes zones. Quel est l'intérêt d'avoir un satellite géostationnaire là? Parce que je pensais que justement avoir un satellite qui tournait autour de la Terre et qui la voyait défiler sous lui, c'était quand même vachement intéressant, parce que ça permettait d'avoir des données sur l'ensemble de la surface terrestre. Alors là, ce qui est recherché, ça va être un satellite qui va être centré autour du continent américain. Et l'idée, c'est d'avoir de la variation diurne, dans la journée, d'avoir continuellement le même site en visibilité. Alors, on peut faire l'analogie avec les programmes météorologie. Les programmes météorologie, ils consistent en des défilants qui, effectivement, couvrent l'ensemble de la planète. Des défilants, c'est-à-dire des satellites défilants qui tournent autour. Des satellites défilants, voilà. Et les agences spatiales, par exemple, l'Europe, ce qu'on dit les orbites du matin, c'est-à-dire une orbitographie, les satellites regardent à 9h30. Et les Américains ont les orbites en orbite basse qui regardent l'après-midi, et nous le matin. Et donc, on arrive à complémentariser comme ça nos données. Et en plus, on a les géostationnaires. Donc en fait, ça vient en complément des orbites basses. Les géostationnaires apportent une information supplémentaire qui permet d'avoir la visibilité continue dans le temps. Alors au niveau scientifique aussi, ça a beaucoup d'atouts. Et Philippe d'ailleurs fait partie du science team américain sur Géocarb. Donc je ne sais pas... Ah, vous travaillez sur Géocarb, Philippe Sier. Oui, c'est une mission... il faut toujours essayer... J'ai pas trouvé l'image. Il y a une image quelque part de Géocarb. On peut vous envoyer ça. Bah oui. C'est plus gros, c'est du géostationnaire, comme les satellites télécom qui nous envoient à la télé, par satellite. Donc là, on faisait 400 kilos avec Merlin, je crois. Jokar, vous avez une idée de la masse ? Je ne peux pas vous dire, c'est peut-être 2-3 fois plus lourd. Ouais, et ouais. C'est embarqué comme un passager, pas clandestin, sur une plateforme télécom. D'accord, c'est-à-dire donc Jokar, en fait, c'est un instrument. C'est un instrument qui est mis sur un satellite de télécommunication qui sera voilà. En orbite du stationnaire. Après, il faut un petit peu payer l'opérateur, la fusée qui va lancer un satellite très très gros, pour le coup, hein, de télécom, pour rajouter un petit passager qui est un instrument Jokar. Voilà. Ils ont trouvé justement une. C'est pour compagnie. Ça que j'ai pas trouvé l'image. Voilà, parce que c'était pas une, c'est pas un satellite. En ça va être un petit passager clandestin sur un très gros satellite de télécommunication. L'intérêt alors, des satellites ouais. Géostationnaires, c'est que on attend d'eux qu'ils puissent nous donner peut-être une des premières imageries de l'atmosphère. Et c'est quand même assez important c'est parce à dire... que. Bah, vous prenez les États-Unis, si vous balayez avec ce territoire avec un satellite géostationnaire, vous allez avoir une image du CO2 sur des tout petits points, des tout petits carrés de 4-5 km chacun, sur l'ensemble des États-Unis. Et là, vous allez découvrir des structures, découvrir des choses qui sont plus difficiles à percevoir avec des satellites défilants. En particulier, on a beaucoup de discussions avec Carole, mais aussi en interne chez nous au LSCE. Est-ce qu'on peut voir ce qu'émettent les villes ? Est-ce qu'on peut voir le signal de Paris, de Berlin, de Tokyo, avec un satellite ? Et ça paraît plein d'humains, plein de voitures. Effectivement, ça émet beaucoup de CO2. Mais finalement, le panache de CO2 qu'offre une ville dans l'atmosphère, il se disperse très très vite. Parce que, comme je disais, l'atmosphère est très rapidement mélangée. Donc il faut avoir le nez au-dessus pour pouvoir commencer à voir quelque chose. Et c'est ça qu'on espère à partir de satellites qui ont des capacités d'imagerie. Parce que si on est juste avec un sondeur, bah, il faut tomber dessus au bon moment, le bon jour. Donc on apprend à faire des choses avec des sondeurs et on espéra aller un peu un plus sondeur, loin. Un sondeur, c'est comme Merlin. Oui, hein, c'est un exemple. Satellite défilant. Hein. Oui, oui, défilant. Il fait une trace et puis il va 2 km, 2000 km plus loin, il refait une trace. Et ensuite, on apprendra peut-être plus une fois qu'on aura appris à regarder justement ce champ de CO2 avec des satellites défilants. En savoir plus sur ces structures fines, régionales, avec des satellites qui ont des propriétés d'imagerie. Mais chaque fois, c'est plus difficile. Donc il ne faut pas, je dirais, c'est comme l'escalade, il ne faut pas se lâcher les pieds sans avoir mis la main quelque part. Et c'est une mesure qui est difficile. Il faut la faire bien. C'est ce qu'on espère fera bien un microcarbe, qui va être quand même une avancée technologique alors, très on forte. On n'a pas encore parlé de microcarbe, voilà, on va en parler après. La précision de la mesure. Ouais. Et aller vers l'imageur, c'est très attractif. Mais il faut que ce soit bien fait, parce qu'une image qui serait toute floutée, ça nous apportera finalement moins qu'un bon satellite défilant très précis. Pour ajouter, l'intérêt du géostationnaire, c'est que comme on reste plus longtemps, on intègre plus longtemps le signal. Et donc, on peut espérer avoir un signal plus précis sur des plus petites zones qu'un défilant qui va vite. Et donc, le signal qu'on est capable de récupérer, forcément, il est limité dans le temps et donc il est moins précis. Donc, on est obligé de l'intégrer sur des plus grandes zones. Donc, en faisant du géostationnaire, on reste plus longtemps, on est capable d'avoir ce qu'appelle Philippe l'imagerie, c'est-à-dire des pixels qui sont de quelques kilomètres au lieu d'avoir des dizaines de kilomètres sur un défilant. Voilà. Et ça, c'est un atout effectivement important, notamment pour les sources ponctuelles type usine ou type ville. Pardon. Ça fait longtemps qu'ils absorbent tous les océans. En 60, un bon milliard de tonnes. Et maintenant, à peu près 5 fois plus, sachant que la fraction divisée par autant est restée constante. Et ça, c'est très étonnant. J'en chiale comme un enfant. Les chiffres et leurs lois, ça me fait pas peur. J'en ai fait ma bataille, car l'atmosphère déraille. Oh, oh, oh. On va tout casser si on libérait beaucoup trop de CH4. Faudrait pas qu'on défaille. Ils continuent à nous sauver les océans comme une maman. Où en étions-nous ? Une petite question. Toute petite question qui me ramène sur le premier satellite dont on parlait, qui est Merlin. Vous avez dit qu'il était prévu de fonctionner sur une durée de 3-4 ans à peu près. qui mesurait des zones de 500 mètres, si je me souviens bien. Son objectif sur la période, c'est quoi ? C'est de couvrir l'intégralité de toute la planète, 500 mètres par 500 mètres, sur 4 ans ou c'est... Non, en fait, il aura une revisite sur, je ne sais plus si c'est 16 jours, je crois, sur les mêmes traces à peu près. Donc effectivement, il aura des pinceaux sur l'ensemble. Il ne couvrira pas l'ensemble du globe. C'est la capacité, il en faudrait plusieurs pour ça. Ce qui va permettre, c'est d'injecter dans les modèles des informations très précises sur certaines mailles du modèle. Et c'est en ayant cette information supplémentaire qu'on essaye, avec d'autres données, d'avoir un delta sur la connaissance des flux de méthane. On va aller page 12. On en était resté à OCO, qui avait été un échec. Voilà Tansat. La Chine s'y met, effectivement. Lancé en 2016. Voilà Tansat. C'est un bon satellite, ça, Tansat. Qu'est-ce qu'il fait ? CH4, CO2 ? Alors, Tansat, c'est pour le CO2. Je ne crois pas qu'il fasse du CH4. Hein. Non, je ne crois pas. Il ne fait que du CO2. On verra. On n'a pas vu les données encore. On n'a pas encore vu les données. Non. Voilà, c'est ça. Il vient d'être lancé. Donc c'est encore un peu la recette en vol. On essaie de. Voilà. Il faut dire que le programme chinois spatial est pas forcément sur la place publique. On le trouve de façon assez synthétique dans les conférences internationales. Quand on discute avec les Chinois, ils nous montrent un programme très très ambitieux. Et ça, c'est un peu nouveau. Enfin, moi, depuis que je travaille au CNES. Je ne crois pas avoir vu beaucoup d'informations sur les programmes spatiaux chinois. Et là, on sent qu'il y a vraiment une ouverture de l'agence spatiale avec toute son inertie. Parce que quand il y a des délégations chinoises qui arrivent, ils arrivent à 30. Et nous, on est 2-3 en face. Donc c'est assez lourd. Ceci dit, il y a vraiment un esprit d'ouverture qui est en train de souffler côté chinois. Une vraie volonté de coopérer. Je pense que c'est très intéressant pour l'avenir de cette thématique, en tout cas. Alors, on va parler de CarbonSat, qui est la page d'après, dans quelques instants, mais on a monsieur qui a une question. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur le satellite Merlin. Vous avez cité cet instrument avec le laser. Est-ce que c'est le seul instrument embarqué ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. Sur la mission Merlin, il y aura un laser. C'est un laser qui est construit par l'Allemagne. Il est sur un microsatellite. Il a été un peu contraint déjà pour pouvoir entrer sur la plateforme microsatellite. Non, il n'y a pas d'autre. Bien sûr, les scientifiques auraient bien aimé rajouter ci, rajouter ça pour améliorer, bien sûr. On est obligé de travailler dans on a un budget contraint, on a un modèle contraint. Donc malheureusement, il sera. Vous avez une idée du coût de Merlin ? Oui, alors, on est autour de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, ok. Page 13, CarbonSat, proposé à l'Agence spatiale européenne. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe Ciel, avec CarbonSat ? Ah, alors, CarbonSat... n'a été que proposé ? C'était un premier pas pour avoir des images. C'est-à-dire que, au lieu de regarder juste sous sa trace, c'est un satellite qui pouvait un petit peu regarder de côté. Pas très très loin, c'était ce qu'on appelle une fauchée, c'est-à-dire une bande d'une largeur d'à peu près 200 km. Et l'Agence spatiale européenne, je ne dirais pas qu'elle est plus lente que les autres, mais vous savez que l'Europe, ce n'est pas facile, il faut que tous les pays se mettent d'accord, et c'est un processus de sélection, hein, de mission assez long. Ils ont un programme qui s'appelle Earth Explorer, dans lequel il y a... en général, deux missions candidates qui sont étudiées. On apprend des choses dans les étudiants. Et puis, à la fin, il y en a une qui est retenue. Et malheureusement, CarbonSat n'a pas été retenu. Qui a été retenue, c'est Flex. C'est Flex. Alors, ouais. Le carbone est quand même gagnant. Parce que Flex, on peut dire que ça mesure quand même l'activité de la végétation à travers ce qu'on appelle sa fluorescence. Ouais. Et on apprendra aussi des choses sur les propriétés de la végétation grâce à Flex. Mais c'est une mesure complètement différente. Je sens une pointe de déception en vous, là. Ouais, une pointe de déception parce que finalement l'Europe avait raté le train du carbone ou des gaz à effet de serre depuis l'espace. Les Japonais s'étaient mis en 2009. Les Américains avaient OCO2, qui est un bon instrument. Ils avaient perdu ça par malchance au lancement. Ils ne sont pas démontés. Ils ont retrouver de quoi faire une copie conforme qu'ils ont relancée en 2014. Et ça, c'est vraiment une, je dirais, une preuve de ténacité. Ténacité, oui. C'est pas parce qu'on a perdu un instrument qu'on se couvre la tête de cendre. Et l'Agence spatiale européenne, alors, ils n'ont pas la même ténacité. Ils ont alors, pas la même envie, là. CarbonSat n'a pas été retenu. Peut-être à mon sens, parce que c'était un instrument dont le concept était peut-être un peu trop compliqué. Ils voulaient tout faire. Ah. Le méthane, le CO2, le CO, regardez les continents, les océans, les villes. Et quelque chose qui veut tout faire, quand on doit vraiment apprendre beaucoup, c'est un peu plus difficile. Voilà. Donc l'Europe n'est pas... Mais vous y croyez, vous, à CarbonSat ? Il vous semblait que c'était un bon instrument et... Ah, le concept était un petit peu un héritage de Siamaki, dont on a parlé. Mais un Siamaki beaucoup mieux, plus précis, plus pointu, etc. Et c'était un petit peu le même concept. Donc l'Europe est quand même dans la course. L'Europe, je dirais pas l'Europe des... un pays, hein, mais l'Agence spatiale européenne. Parce qu'ils se sont rendus compte quand même, je ne sais pas s'ils avaient fait une boulette en prenant pas CarbonSat, mais qu'ils se retrouvaient un petit peu sans rien sur les gaz à effet de serre. Et donc, avec la Commission européenne, l'Agence spatiale européenne réfléchit maintenant très sérieusement à la possibilité de lancer un satellite imageur, mais lui plus pointu, plus focalisé seulement sur le CO2. Et ça a de bonnes chances, on espère, d'avoir lieu. Et ça permettra quand même... à l'Agence spatiale européenne, on dira, de rester un petit peu dans cette course, mais en se focalisant plus sur le CO2, et plus sur le CO2, le méthane et un peu tout. Quoi. Donc ce serait quoi, sur un Sentinel, c'est ça ? Voilà, l'idée, c'est que quand même un des grands succès de l'Europe spatiale, c'est le programme qui avant s'appelait GMES, qui maintenant s'appelle Copernicus, qui est quand même un programme, je dirais, qui a quelque chose dans le ventre, puisque l'Europe se met d'accord pour... lancer des lignées de satellites qui vont apporter des observations systématiques. On n'en lance pas un, puis après, c'est un coup dans l'eau, on regarde et puis on passe à autre chose. On a des observations systématiques qui nous apprennent beaucoup. On a fait ça pour des radars, on a fait ça pour des imageurs dans le domaine visible. Et donc, l'idée qui est mise sur la table, c'est de pouvoir avoir finalement des sentinelles du carbone atmosphérique. Donc, on aurait comme ça sur Sentinel 6 et Sentinel 7. Alors, c'est pas encore décidé, quels seront les prochains Sentinelles, 8, 9, 7. Mais en tout cas, il y a une possibilité très sérieuse de démarrer une nouvelle lignée de Sentinelles qui seraient des Sentinelles carbone. Et si le premier fonctionne, à ce moment-là, l'idée, ça serait d'en avoir 3, peut-être 4, qui pourront avoir, je dirais, une couverture avec une image globale de toute la Terre. Donc, je dirais, l'affaire n'est pas perdue et l'histoire, finalement, continue. Et en tout cas, il y a un très fort intérêt hein, de tous les pays en Europe pour pouvoir continuer à jouer un rôle dans l'observation spatiale des gaz à effet de serre. Alors le CNES, on l'a dit, est très présent avec Merlin. Il est présent aussi avec Microcarb. On va en parler dans quelques instants, mais peut-être que quelqu'un a envie de reprendre la parole, de poser encore une question. Ben voilà, je viens jusqu'à vous. Alors, on cherche à envoyer la possibilité d'envoyer le plus possible de satellites et pourquoi pas essayer de s'orienter vers les CubeSat, qui sont des tout petits satellites, en termes de puissance de calcul ou taille des tout ce qui va être capteurs qui sont trop gros actuellement pour être embarqués sur des CubeSat. Alors c'est très très à la mode. Je crois que les Canadiens ont lancé une initiative de CubeSat dédiée aux gaz à effet de serre. Les Indiens, j'ai lu la semaine dernière que les Émirats aussi regardaient ce type de projet sur les CubeSat. Donc c'est très très à la mode. Bien sûr, nous aimerions pouvoir lancer des petits satellites. Ça coûte moins cher de lancer des petits satellites et tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'une... Nous, on travaille sur la précision que nous demandent les scientifiques et avec la technologie disponible. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé la technologie suffisamment petite pour aller sur un CubeSat. Alors, peut-être que les initiatives qui démarrent dans les autres pays vont nous démontrer qu'on a eu tort. Probablement que dans... le futur, on y arrivera. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Le satellite OCO, c'est plusieurs centaines de kilos. Le satellite GOSAT aussi. Le satellite Merlin, c'est 400 kilos. Alors, c'est un laser en plus, donc ça, c'est encore plus lourd. CarbonSat, c'était 600 ou 800 kilos. Donc, vous voyez qu'on est loin du compte en ayant pourtant une technologie qu'on tire au maximum. Et comme l'a évoqué Paul, il y a Microcarb qui, on l'a volontairement aussi coincé dans un microsat qui ne fait que 200 kilos. Donc c'est vraiment petit par rapport à l'initiative américaine ou japonaise ou même chinoise. C'est le plus petit et on estime qu'il sera aussi, voire mieux, même plus précis que les autres. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on a de mieux comme réponse technologique à la demande des données. Mais il est très probable que dans plusieurs années, la miniaturisation de la technologie nous permettra probablement d'aller faire des nanosats. Et ça sera super parce qu'on pourra avoir beaucoup plus de satellites pour couvrir complètement la planète. Sur les nanosats, il existe un programme. Un CubeSat, un nanosat, c'est quoi ? C'est un petit cube comme ça, quoi. Oui, c'est quelques 30 par 30, quelque chose kilos, comme ça. Quelques kilos. Hein. Non, je fais rire là, non. Il y a même un programme de la NASA, en fait, qui propose de développer des CubeSats dans des écoles et des lycées. Alors, c'est absolument fascinant et c'est très sérieux. C'est-à-dire qu'ils vont demander à des lycéens de concevoir un satellite. Ça peut être mettre une GoPro sur un CubeSat. Ils sont aidés ensuite par des ingénieurs. Et ensuite, c'est monté sur la Station Spatiale Internationale. Et là, il y a un astronaute, en fait, qui les lance. Alors, évidemment, il y a 90% d'entre eux qui sont perdus. Mais ça permet, finalement, à des projets scolaires. Hein. Alors, c'est sur 3 ou 4 générations successives. Hein, ça se fait sur 3 ou 4 ans. De construire. C'est eux qui construisent l'instrument à partir de pièces du commerce. Après, il y a des ingénieurs qui regardent si le truc tient la route. Pour pouvoir, je dirais, lancer des nanosatellites afin que finalement chacun puisse regarder les données. Et c'est des projets qui sont particulièrement intéressants et particulièrement créatifs. Par exemple, les écoliers d'une école que j'avais vue aux États-Unis avaient inventé des antennes qui sont en fait des mètres, comme les mètres quand on mesure quelque chose dans sa maison pour faire du bricolage, qui sont flexibles, et en fait, en appuyant dessus, ça se dépliait. Donc il y avait 4 antennes qui se dépliaient, c'était ça qui faisait les antennes de ce micro-satellite. C'est particulièrement intéressant. Et c'est le genre de programmes éducatifs qui sont vraiment intéressants. Quoi. Alors vous en parliez, ils sont là. Ils sont là ce soir. Bonsoir. Non, pas ici. Ils sont pas ici. Ils ont grandi. Alors, racontez-nous, là, vous êtes, vous, des spécialistes de ces questions-là ? On n'est pas vraiment spécialistes. En fait, on est à l'École centrale d'électronique de Paris, dans le 15e, et on fait justement un projet de fin d'études. Cette année, on est 25, c'est sur 5 ans. Et on fait en effet un CubeSat, c'est 10 cm par 10 cm par 10 cm. Nous, on n'a pas de vocation à observer la Terre. Notre vocation, c'est, vu que les CubeSats n'ont pas le droit d'embarquer du carburant, mais qui restent malgré tout assez longtemps dans l'atmosphère, c'est comment désorbiter dans l'espace, comment désorbiter un satellite sans utiliser de carburant en fait. Donc nous c'est ça la vocation de nos satellites. Mais donc c'est pour ça qu'on se posait la question, qu'on est intéressé par les CubeSats, qu'on se demandait si on pouvait les utiliser pour l'observation du carbone. Il faut pouvoir mettre un gros laser sur un petit satellite de 10 cm de côté. Donc c'est pas pour tout de suite apparemment. Mehdi, tu as quelque chose à dire ? J'ai une réponse à leur donner, c'est... De tous les lasers, c'est CarbonSat que je préfère. Mais dans Earth Explorer, j'en voulais vraiment pas. CarbonSat pour le coup, les poteaux, je ferai passer un chapeau. Si vous avez quelques euros, pensez à CarbonSat, s'il vous plaît. Le CNES, oui, je m'en prie. Ceci dit, comme on est dans une période d'innovation où tout est rabattu, tout est remis en question, la question du crowdfunding pour des missions liées au climat arrive de plus en plus sur ma boîte mail. Bon, alors pour l'instant, ce n'est pas du tout le modèle auquel on a l'habitude traditionnelle, mais ce genre de modèle de nanosat, de crowdfunding, de méthodologie innovante, est en train d'arriver. Je ne sais pas si ça va être confirmé ou pas. Ouais. Le crowdfunding, donc, c'est la possibilité qui est donnée de proposer un projet sur l'Internet et puis donne de l'argent qui veut pour le financer, finalement. Voilà. C'est ce que propose Mehdi dans sa chanson. Je le propose à l'ancienne, au chapeau. Voilà. Ouais, c'était l'ancêtre du crowdfunding. Ouais. Exactement. C'est le hat funding. Ouais. D'accord. Ok. Où est-ce qu'on en était, là, encore une fois on vient de parler de CarbonSat. On va parler de MicroCarb, qui est encore un beau projet CNES. Mais peut-être qu'on peut faire un petit tour par nos petites pages. Il en restait quelques-unes. Alors, page 2, par exemple. Bon, ça, c'est la courbe très importante, on pouvait pas l'éviter quand même. C'est entre 1900 et 2010, on a en rouge les températures globales, hein. On voit leur évolution, c'est en dents de scie, mais on voit que ça monte quand même au global. Et puis en vert et en bleu, c'est le CO2 atmosphérique, soit pris dans l'Antarctique, soit à Hawaï. C'est bien ça, Philippe Sieyès ? Bon, donc il y a un lien entre les deux, là ? Le CO2, le CO2 est responsable des hausses de température ? C'est ça que veut dire cette courbe, même si le lien n'est pas... Oui, alors il faut attention, parce que quand on voit deux courbes qui se ressemblent, ça ne veut pas dire que l'une est train de causer l'autre. Hein. Exactement. Corrélation n'est pas causation, comme on dit. Hein. Il faut faire attention. Donc pour être sûr d'attribuer finalement l'augmentation de température à celle du CO2 et des gaz à effet de serre, on ne peut pas le faire juste en disant, regardez, il y en a une qui augmente, l'autre aussi, donc ça doit être le CO2 qui cause le changement climatique. Pour ça, il faut se servir de modèles de climat, et on leur fait voir toutes sortes de forçages, les changements de constantes solaires, les volcans, des forçages naturels. Quand on leur fait voir tous ces forçages naturels, la température... On appelle un forçage, c'est quoi ? C'est ce qu'on met dans le système pour pousser à l'élévation de la température. Des sources d'énergie extérieures qui vont, a priori, réchauffer ou refroidir le climat. Et donc, avec tous ces forçages naturels, on n'y arrive pas. Quel que soit le modèle de climat qu'on utilise, quels que soient les forçages, les hypothèses qu'on fait. Et par contre, quand on met les gaz à effet de serre, on y arrive, mais pas complètement. Pour y arriver bien, à reproduire le changement climatique historique sur les 100 dernières années, il faut rajouter les gaz à effet de serre et les aérosols, ces particules qui sont en suspension dans l'air, qui sont assez complexes elles du point de vue du climat. Elles produisent un effet de serre. Ben, certaines réchauffent le climat et d'autres vont le refroidir en fonction de leur type. Par exemple, les sulfates, eux, ils écrantent le rayonnement solaire. Ils ont plutôt un effet refroidissant. Et par contre, le carbone suie. Lui, il a plutôt tendance à avoir un effet réchauffant. Et c'est que lorsqu'on ajoute en fait tous ces forçages, qui sont réels, qui ont existé, on ne les invente pas, hein, qu'on arrive à reproduire en fait le timing un petit peu historique de l'augmentation de température. Hein. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? C'est ce qui a un effet refroidissant, c'est lequel ? Les sulfates. Les sulfates. Alors, voilà. Alors pourquoi est-ce que... Parce qu'il y a eu toute une mode à une époque des géo-ingénieurs. Oui. La possibilité de jouer sur le climat en injectant, par exemple, des sulfates dans l'atmosphère ou, vos OH, là, vos hydroxyles. Oui, oui. On va en mettre plein dans l'atmosphère. Il y a 95% du méthane qui est réduit, si je puis dire, par les hydroxyles. On va aller à 100% là, en rajoutant des OH. Alors, si on pouvait... On va mettre un deuxième timbre-poste de OH, voilà. Ça ne va pas changer. Si on pouvait mettre ce deuxième timbre-poste, ça serait très bien. Le problème, c'est qu'ils sont très réactifs, ils tiennent pas dans la main. Ils ont une durée de vie quelques dizaines de secondes, même pas. Et du coup, c'est pas si facile de les fabriquer et de les disperser. Pour disperser quelque chose, il faut pas que ça nous claque dans la main tout de suite. Après, les problèmes de rajouter des sulfates pour refroidir le climat, hein, c'est une des formes de géoengineering qui consiste à donc manipuler finalement la radiation solaire pour en avoir moins. On l'a déjà de façon naturelle. Je parlais du volcan Pinatubo. Effectivement, un gros volcan, ils injectent beaucoup de soufre qui se transforme en gouttelettes d'acide sulfurique et puis en aérosol, qui sont des sulfates. Et comme ils ont des panaches explosifs très chauds, ça part directement dans la stratosphère, où ça reste parce que la stratosphère n'est pas très bien mélangée. Et on voit effectivement que quand les volcans injectent des sulfates, on refroidit le climat. Un an, hein, je crois que le Pinatubo, 3-4 ans. J'ai vu que Pinatubo était responsable d'une baisse de la température d'environ 1 degré pendant un an, si je me trompe pas. C'est un peu plus qu'un an, en fait. D'accord. S'il n'y avait pas une variabilité liée à d'autres choses, comme ces El Niño dont on a parlé, ça serait plutôt 4-5 ans. Ah, ça dépend évidemment d'accord. du volcan. Okay. Il est gros, petit. Pinatubo, c'était un gros, là, pour le coup. C'était un gros. C'est l'option, ouais. Un gros, et puis surtout, il a injecté beaucoup dans la stratosphère. Il y en a des gros, mais il injecte à la surface, du coup, c'est. Voilà. Et donc, oui, il y a des... Alors, on le fait ou on le fait pas ? Le geoengineering ? Oui. Eh bien, le problème, c'est que... Parce que vos sulfates, apparemment, ils produisent des pluies acides, c'est ça, non ? Alors, si on les met dans la stratosphère, ça va, quoi. Ils ne font pas de pluie acide. D'accord. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a commencé à mettre la main là-dedans, à mon avis, ça pose deux problèmes. Un problème scientifique, je dirais, et un problème philosophique. Le problème scientifique, c'est que... Une fois qu'on a commencé à faire ça, il faut continuer, parce que dès qu'on arrête, le climat, tout de suite, rebondit et va se réchauffer très rapidement. Donc on a la main dans quelque chose que l'humanité est obligée de continuer. L'autre problème qui est beaucoup plus inquiétant, c'est pas un problème scientifique, c'est un problème de gouvernance. c'est que finalement, c'est assez facile à faire. Il suffit de quelques avions, on balance des sulfates dans l'atmosphère. Et donc, vous imaginez pouvoir donner à une poignée de gens le pouvoir de décider du climat de 7, 8 ou 9 milliards de personnes sur notre planète sans leur demander leur avis. C'est-à-dire qu'on est dans un cas un petit peu unique dans l'histoire de l'humanité où, je dirais, une dizaine de gens très riches pourraient très bien manipuler le climat, ou un État pourrait manipuler le climat, et les autres en subiraient les conséquences. Je pense qu'on n'a jamais eu un tel levier qui pourrait être concentré entre aussi peu de mains. Et ça, ça pose quand même, je dirais, un problème philosophique qui me paraît important et qui n'encourage pas à tenter l'expérience. Le problème d'envoyer comme ça des produits dans la stratosphère, c'est quand même qu'effectivement, il faut continuer ça en permanence, hein, parce que ces substances vont retomber sur Terre à un moment donné, ça, à un moment ou à un autre. Bon. Mais alors, il y a un autre moyen de géo-ingénierie qu'on pourrait imaginer, avec un satellite d'ailleurs, ce serait d'installer une gigantesque voile dans l'espace qui réduirait l'apport thermique du Soleil. Oui, ça a été proposé aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller très loin. Hein. Là, on n'est plus dans des géostationnaires, on est sur les points de Lagrange. Donc, il faut... Les points de Lagrange, on y envoie des satellites, ça, c'est pas un problème. Oui, envoyer des satellites, mais après, il faut déployer un miroir dont la taille est... Pourquoi un miroir, un cache ou un cache, en fait, dont la taille est suffisamment grande. Et ça, je pense que c'est encore, je dirais, technologiquement, un saut qui est important. Hein. Et si on pouvait... Qu'est-ce que vous en penseriez ? Ah, c'est une bonne question. Si on pouvait, moi je dirais, si on pouvait, pourquoi pas ? Parce que entre ça ou continuer à émettre des gaz à effet de serre sans limite et avoir un changement climatique qui cause des dommages gravissimes, hein, je dirais des migrations, des problèmes sur les rendements agricoles, sur la vie sur Terre, à choisir entre les deux, je pense qu'il faut être pragmatique. Il vaut mieux choisir une solution de refroidissement si on dispose de la technologie, plutôt que de vivre dans un climat infernal. Hein. Donc continuons à émettre des gaz à effet de serre en attendant qu'on envoie une grande voile dans l'espace. Oui, alors si on dit ça, je pense que on se heurte à pas mal de murs. D'abord, c'est que on ne sait pas ce que nos descendants seront capables de faire. On ne sait pas en termes d'économie, la quantité de capital qu'ils auront. En termes d'innovation, la quantité de progrès technique qui va être faite dans 50 et dans 100 ans, qui leur permettra ou pas de le faire. Et je pense quand même qu'il y a une responsabilité de la génération actuelle, qui a encore un peu de capital et de technologie, d'essayer de faire quelque chose pour incurver, dans la bonne direction bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre, sans laisser le problème à nos descendants et aux descendants de nos descendants. Quoi. Amen, a rajouté Carole Daniel. D'autres interventions peut-être ? Bonsoir. Alors c'est une petite question sur le carbone, encore une fois. Comme vous le savez, il y a des plans de végétalisation de Paris, par exemple, d'autres grandes villes. Alors, ce sera sans doute pas la grande solution. Il y a aussi des projets de construction de tours qui filtreraient le carbone, ainsi que des façades de bâtiments qui aideraient à filtrer l'atmosphère. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur l'impact potentiel de ceci, déjà si c'est viable, si c'est fonctionnel, et aussi si ça aurait un impact local ou global. Je pense que c'est une bonne question. À mon avis, il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il n'y a pas de découverte qu'on n'a pas faite qui va conduire à trouver la technologie qui enlèvera rapidement tout le carbone de l'atmosphère. Donc tous les petits coins qu'on peut mettre dans la bonne direction, même si individuellement, ce n'est pas la solution du problème, je sais pas, stocker du carbone dans les sols agricoles, augmenter le carbone des forêts, passer sur des toits végétalisés ou des surfaces absorbantes du carbone, c'est chaque fois des choses qui vont dans la bonne direction. Et ce qui me semble important, un peu comme toute technologie, c'est que la première fois, ça paraît un truc complètement fou, c'est très très cher, et donc personne n'a envie de le faire. Et on a vu ça pour les éoliennes ou pour les panneaux solaires. Et une fois que quelqu'un s'y met, ensuite, évidemment, la centième ou la cent millième unité installée, elle coûte beaucoup moins cher. Et c'est des technologies qui arrivent à pénétrer le marché. Donc je pense que c'est effectivement important de regarder toutes les solutions et toutes les formes de solutions possibles, sans en écarter a priori, pour essayer soit de limiter les émissions, soit de capturer le carbone atmosphérique. Après, je ne pense pas qu'une seule solution pourra résoudre tout, simplement parce que la quantité de carbone qu'on devrait soustraire de l'atmosphère pour arriver à 2 degrés ou revenir à un climat froid ou plus froid, c'est une quantité très importante. Donc après, il faut trouver quand même un endroit où on stocke ce carbone. Une fois que les toits végétalisés sont saturés ou une fois qu'une pompe à carbone a pompé tout son carbone, il faut le mettre quelque part. Et c'est ce problème du stockage, en fait, du carbone qu'on aurait piégé, limite un petit peu la capacité de chaque type de solution à être, je dirais, une panacée ou une solution à grande échelle. Par contre, tout ensemble, évidemment, on peut arriver à des choses qui ne sont pas inintéressantes. Pour terminer, on va peut-être aller page 14 pour aller voir du côté de Microcarb. La dernière page, la Microcarb. Donc c'est encore le CNES qui s'y colle, si je puis dire. Dites donc, on a deux satellites là qui vont être lancés avec Merlin. Qu'est-ce que c'est que Microcarb ? Alors Microcarb, c'est un petit satellite qui doit être lancé en 2020, qui a fait l'objet de pas mal d'études au CNES et beaucoup de ténacité de la part des scientifiques qui demandent ce projet. Et qui a reçu un coup d'accélérateur grâce à la COP21 et au gouvernement français. Madame Royal est vraiment très fan de ce projet et nous appuie beaucoup sur le déroulement des étapes. Et le mois dernier, on a eu la décision finale pour le développement complet du satellite qui doit donc être lancé en 2020. Et donc c'est un petit satellite qui ne fera pas tout, parce qu'effectivement il n'est pas, il vise pas à faire de l'imagerie et de mesurer tout ce qui sort des centrales. En revanche, ce qu'on a optimisé sur ce projet, c'est la précision de mesure et la compacité de l'instrument. Donc c'est un petit instrument qui fait 60 kg, qui sera à bord de la mission. Donc c'est le plus compact de tous les projets qu'on ait vus jusqu'à maintenant. Il aura une précision extrêmement bonne pour pouvoir faire un bilan sur l'évolution des puits et des sources de carbone sur l'ensemble de la planète. Et surtout, ce sera le premier satellite issu d'un pays européen qui viendra compléter justement cette constellation internationale qui se met en place. Et ça nous permet aussi de discuter avec les autres agences pour pouvoir continuer à avancer. Et voilà, ça insuffle une dynamique positive sur la mesure du carbone qui, j'espère, viendra conforter l'Agence spatiale européenne pour aller un cran plus loin derrière et pouvoir, de façon itérative, comme ça, avoir des solutions complètes pour pouvoir mieux tracer le carbone. Avant qu'il y ait une dernière question, je vous propose de nous quitter là-dessus, monsieur, je vous en prie. Ah, Mehdi avait encore, je t'en prie, Mehdi. À Mauna Loa, Trump balance des sulfates. Il joue avec le climat, oui, il se prend pour Dieu. Quand c'était Obama, qu'était un gars d'Hawaï, lui, il jouait avec les tortues dans la mer bleue. Lui, il jouait avec les tortues dans la mer bleue. Alors, c'est effectivement un défi gigantesque hein, qui nous est... Ah bah oui, votre question, bah alors, je vous oubliais, on y va. Bonsoir et merci pour vos interventions. En début de discussion, vous avez parlé de la nécessité d'un réseau de stations sol pour compléter les données satellites. Les continents, c'est que 30% de la surface de la planète. Au-dessus des océans, est-ce qu'il se passe des choses intéressantes ? Qu'est-ce qu'il est intéressant d'observer ? Il y a des stations à Mauna Loa, comme Mehdi vient de l'évoquer, dans les terres australes françaises, etc. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oui, l'océan, à l'échelle globale, c'est un puits de carbone, je dirais, plus fiable et aussi important que celui des continents. Et d'ailleurs, les premières stations de mesure ont été déployées sur des îles, sur les océans. Le problème, c'est que pour couvrir la surface complète de l'océan, on n'a pas assez d'îles. On peut faire des mesures sur des bateaux. Il y a des bateaux, notamment des bateaux commerciaux hein, qui font des navettes régulières, qui traversent des océans, qui sont équipés, certains sont équipés pour des mesures atmosphériques. Simplement, il y a une différence entre les océans et les continents, c'est que les flux de CO2 échangés entre l'océan et l'atmosphère sont un peu plus lisses dans l'espace et dans le temps que les flux échangés avec les continents. Et ils sont moins variables. Ça veut dire que si on mesure un endroit d'un océan, on va avoir quand même une idée assez bonne, pas trop mauvaise, des flux sur l'ensemble d'un bassin. Alors que les continents, c'est notre paire de manches, parce qu'entre différents types de végétation, il y en a une qui peut absorber du carbone, en même temps que l'autre à côté peut en émettre. Et donc, c'est clair qu'il nous faut une densité de stations au sol, en tout cas, plus importante sur les continents que sur les océans. Alors, je vous donne rendez-vous le 16 mai, c'est notre prochain mardi de l'espace. Le mardi 16 mai, on va parler d'ExoMars. Donc, vous savez, cette mission européenne qui se propose rien de moins que d'éventuellement aller chercher la vie sur la planète Mars, et notamment en étant capable pour la première fois d'aller forer à 2 mètres de profondeur pour aller récupérer des petites substances qui pourraient prouver que de la vie passée ou même présente a pu effectivement exister. Donc ExoMars, ce sera le 16 mai. Donc on a bien compris ce soir qu'on était face à un défi bien sûr gigantesque, celui du changement climatique, même si on en a parlé avec le calme du chercheur, je dirais, qui regarde ça avec sa raison, si je puis dire. Je ne suis pas certain qu'on fasse exactement tout ce qu'il faut face à ce gigantesque défi. Et je vous ai senti quand même raisonnablement optimiste, l'un et l'autre. Par exemple, il y a des bons signes, on les voit du côté de la Chine. La Chine qui s'investit dans ce domaine-là. Et puis, il y a des bons signes aussi du côté du spatial. Hein, parce que depuis 2009, ça y est, la machine est lancée. On peut et on va de plus en plus observer, étudier tout ça depuis l'espace, ça se développe. L'Europe a pris un petit peu de retard, mais ça y est, j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait deux instruments qui allaient probablement être lancés. Et puis on a la France quand même avec Merlin et Microcarb. Donc une dynamique positive, hein, c'est l'expression que vous avez utilisée, Carole Deniel, une dynamique positive pour essayer de s'attaquer à ce problème gigantesque. Merci infiniment, Carole Deniel et Philippe Sier, pour vos interventions. Par des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée.